Voilà. Alors, Je finis ici mes quelques notes. finis donc tes quelques notes. Pendant ce temps-là, je vais mettre une petite musique d'ambiance. Je peux toujours Donc, faire un salut du mois du futur? et nous voyons le chat de Oxide dans le petit coin là-bas, là. Oh, c'est bien, ça fait des vues, ça. Ça fait des C'est vues. des vues. Ça fait des chats, oui, ça fait des vues, ouais. Désolé pour tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà. Là, ça fait des vues. Non, Là, ça fait des vues. Ah, RIP. super. Le pauvre. En tout cas, voilà, je vais en profiter parce que, bon, je pense que pour notre ami Barrington, en sachant qu'il n'est pas là, c'est pas gênant, puisque c'est vous êtes que tous les trois, hein. À l'endroit où Cassib récupère justement cette note. Donc Tout à fait. c'est le journal de Mathieu Pouc. Hein. Oui, qui nous a été fort utile. Et voilà, donc je le répète, comme ça vous en rappellerez. Donc le premier extrait, c'est Menkaf a une influence notable sur les crédules. Il transporte le fez rouge sang que le professeur m'a décrit dans une boîte marron. Ses sbires et lui ne semblent pas vouloir y toucher. Deuxième extrait. Mes recherches à la bibliothèque du British Museum m'ont retenu de temps à autre. Mais mes vérifications régulières quant à Mein Kampf et ses sbires m'informent que rien n'a changé. Ils surveillent la maison du 3 Blithering Lane à Rottenwright. J'ai posé quelques questions et appris qu'un collectionneur de fez y vit. Professeur Demir m'a dit de me montrer prudent, mais j'ai facilement pu me faufiler parmi les imbéciles que Menkaf a laissés sur place. Je suis sûr que personne ne m'a vu. Troisième extrait. Menkaf prévoit de prendre bientôt l'Orient Express pour Constantinople. Je l'ai vu acheter les billets pour ses sbires et lui-même. Si je ne sais pas à quelle date il partira, il semble vouloir quelque chose avant de quitter Londres. Ça ne peut pas être le fait, puisqu'il est arrivé à Londres avec. Quatrième extrait. J'ai décidé de voler le fez à Mein Kampf. Pendant qu'il est occupé à Rotherwhite, j'entrerai dans sa chambre pour voler le fez rouge sang. Ensuite, je me hâterai de rejoindre Constantinople pour le donner au professeur Némir. J'imagine déjà son air ahuri. Vous avez donc déjà ces informations qui sont à votre disposition. Donc essayez de garder ça en tête. Maintenant, parce que le pauvre Barrington, on va pas le laisser à fixer un fez pendant que vous êtes au loin là-bas. Je vais converser avec toi en privé, Monsieur Barrington. Oui, mais J'ai le temps de me faire un café. Tu as le temps de te faire un café. Qu'est-ce ça? Ouais, pardon. Je crois que j'avais appuyé. Barrington, tu es maintenant au Au machin Wilton Rotten White? Non, tu es non. à, À la tu, non, tu es bibliothèque. à l'Oriental Club. Voilà, ouais. Ok. Avec donc le professeur Smith qui lui est en train de vaquer à ses recherches. Tu vois qu'il y a pas mal de gens qui tournent autour. Enfin, des gens viennent lui parler de temps en temps quand même. Ouais. C'est pas. Il s'est pas isolé complètement non plus. Et à un moment donné, tu as une personne qui vient à côté de lui, donc tu es juste à côté, et qui voit que il s'intéresse à des fez. Il voit que, enfin, la personne voit que Professeur Smith s'intéresse au sujet du fez. Ouais. Il s'approche de Professeur Smith et il dit, mais dis donc, Monsieur Smith, C'est un peu le sujet du moment, ce Fez, là. Je vois ça écrit un peu partout. Professeur Smith, il y a... Bon, vous entendez ça partout, mais... Comment ça? Ben oui, vous avez pas entendu que dans le journal, il y a quelques jours de ça, il y a un collectionneur qui s'est fait tuer. Un collectionneur de Fez. Je suis au courant de ça, du collectionneur qui est Pas mort. du tout, pas du tout. Et Et le professeur Smith, j'entends. il regarde ça. Ah bon? Ben oui, regardez dans le journal, il est encore là. Et vous voyez tu vois qu'il s'en va et qu'il revient Je quelques suis, mais instants ouais. après avec un journal dans les mains. Et du coup, Il n'y a pas un double exemplaire, ouais, que je lise aussi. Il te file ça justement. Alors, attends, si j'arrive à le trouver. Hop, hop, hop, bien sûr. Hop, hop, hop, hop, hop. Attends, parce que j'ai plein de... Voilà, c'est ça. Alors, attends, on va faire comme ça. Hop. Et... Voilà. Ok. Alors. Alors, le meurtre au Fez à Rupert Heath. Abject assassinat d'un vieux collectionneur de Fez. Les coupables courent toujours. Jeudi dernier, vieux collectionneur de Fez, monsieur Joshua Devore, 70 ans, vivant en 3 Blittering Lane à Blotterite, a été tué durant ce que la police appelle un cambriolage de sa résidence. Décrit comme excentrique mais parfaitement inoffensif, monsieur Devore a été frappé à mort avec un instrument contondant. Et sa maison a été pillée. Monsieur Devore était connu pour sa collection de fez venues du monde entier, ainsi que pour sa collection de livres et de bibelots sur le sujet. Aucun fez ne semble avoir été volé de l'incroyable collection de Monsieur Devore. Une vitrine contenant des écrits sur les fez, des livres et manuscrits rares ont été défoncés. Ça, hein, ouais. La police soupçonne que les dégâts ont été faits par les tueurs en quête d'argent. L'inspecteur Kendall de Scotland Yard croit qu'il s'agit de l'œuvre de voleurs locaux qui terrorisent le voisinage. Ces voyous gagnent en assurance, ce n'était malheureusement qu'une question de temps avec quelqu'un. L'assureur. L'inspecteur a assuré à notre journaliste que les coupables seraient arrêtés et subiraient les foudres de la justice. Les résidents de Rotherhithe devraient fermer leur demeure la nuit et prendre les précautions qu'ils s'imposent pour se protéger. Il faudrait déjà qu'ils ferment leur porte, hein, ce serait bien. Il s'est fait défoncer la tête, quoi. Ben c'est un peu ça en fait, hein. Tu Oh vois là que là! c'est un peu ça en fait. Et ben, je me tourne vers le professeur Smith, les yeux écarquillés, avec tout plein de questions dans la tête. Voilà, la première, c'est ben, qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, je suis comme vous. Je C'est suis le sauvage premier quand même, surpris comme de meurtre. ça. D'ailleurs, je n'avais pas entendu parler de cet homme. Je Écoutez, l'ignorais jusque-là. ce serait peut-être intéressant quand les autres viendront de peut-être aller faire un tour par là. Peut-être que ça, peut-être un. Incroyable qu'il est, on a son adresse en plus dans l'article. C'est ça. D'ailleurs, que ce serait intéressant d'aller faire un tour. Ça a peut-être un rapport avec toute notre affaire, hein, probablement. On peut aller dans un coin discret, dans un coin discret, dans une pièce assez sale, ou isolée, vraiment, dans une pièce là, du club. Bah, si vous voulez, mais vous voulez parler de quoi exactement? Je voudrais qu'on se sécurise nous déjà. Bon, ici, je pense que nous sommes. N'importe. Les murs ont des oreilles et surtout s'il n'y a pas de mur, il y a encore plus d'oreilles. Écoutez, si vous voulez, je peux demander un salon privé pour qu'on puisse discuter de tout ça. Ça serait bien. Je fais, si on y va, si on y est, je fais passer un petit mot de faire intervenir les deux autres personnes à l'extérieur. Je mets son encore là, à Les l'extérieur. trois autres, tu voulais dire? Ouais, les trois autres en dehors du club. Mais écoutez, je pense qu'ils vont pas tarder. Attendons-les et vous pourrez y aller tous ensemble. Je pense qu'il serait plus sûr de, que vous y allez tous ensemble. Mais ouais, c'est pour les faire venir. C'est pour les faire venir. Oui, bah on peut toujours leur demander, on peut essayer de leur faire parvenir un télégramme, mais ne sachant pas vraiment s'ils sont toujours sur les lieux. C'est rapide, ouais. Ouais, okay. Je pense que le temps que le message soit envoyé, ils seront déjà probablement revenus. Où est-ce qu'ils sont allés déjà? Ils sont allés voir à la résidence de Mathieu Pouk, le jeune homme qui s'est transformé malheureusement. On peut dépêcher un coursier quand même. Écoutez, je pense que ce sera pas nécessaire. Ça fait déjà à peu près deux bonnes heures qu'ils sont partis. Ça devrait, ils devraient pas tarder. Ça m'inquiète tout ça. Bah, écoutez, donnez-leur une heure et si d'ici là ils sont pas rentrés, je ferai dépêcher quelqu'un sur les lieux. Soit. Pour le coup, je vais retourner voir. Pour le coup, je prendrai un whisky et un cigare. D'accord. Mais moi, je vais retourner à mes documents et le MJ va retourner aux deux autres là-haut. Ok, vous allez me dire que j'enlève ça. Ouais. Oh, tu peux rester. Alors Xen, oui, bien sûr, Xen, il a la... vu, on remet les casques, c'est bon. Yeah. Ça y est, on est plus puni, c'est ça? Voilà, vous êtes plus puni. Alors, du coup, hop, moi, je vais maintenant refaire ça pour remettre un peu dans l'ambiance, hein, puisque forcément, hop. Vous êtes donc chez Mathieu Pouk. Mathieu Pouk, vous avez trouvé ce document. Que comptez-vous faire maintenant? Est-ce qu'on a fouillé tout l'appartement de Pouk? Honnêtement, après avoir... on va dire que ça fait quasiment une bonne heure depuis que vous êtes arrivé. Ça fait une bonne heure que vous êtes sur les lieux. Vous pensez quand même avoir quasiment... Faites tout ce qu'il y a à faire dans l'appart. Ouais, très bien. Mais bon, bah, je propose aux deux autres. Hein. Du coup, on est toujours avec. Oui, il est avec vous, il a pas. Georges et le sans-nom. Cassim. Non, c'est pour moi, ça. C'est pour pouvoir diffuser les infos aux voyeurs. Aux voyeurs. Donc, je propose qu'on s'en va et qu'on ne vient pas voir la gardienne ou sa mère, je ne sais quoi. On s'en va tranquillement. D'accord. Et vous allez où? Alors, on est d'accord que le 3 Buffy Lane à Rotter Lilith, je ne sais pas te dire, hein, franchement, ça a l'air d'être le meilleur endroit pour comprendre un peu mieux ce qu'est ce Fez avant peut-être de partir pour Constantinople. Autant savoir... Alors, question. Est-ce que vous prenez le temps d'aller chercher la seule personne qui n'est pas là pour l'instant? Avec le Fez. Après, vous pouvez vous arranger à ce que le Fez soit en sécurité là-bas. Après, je... D'accord. Il n'y a pas de piège. Hein. Je ne veux pas... Voilà. Il aura largement le temps de se reposer. Vous trouverez un endroit sécure où il sera toujours là. Ne vous inquiétez pas. On va tous en parler. Une puissance venue de l'au-delà vous le garantit. Bon, on y va alors. On va chercher. Voilà. Une barrière magique qui empêche toutes les fractions. On retourne à l'Oriental Club. L'Oriental Express, c'est pas tout de suite. À l'Oriental Club, d'accord. On regarde s'ils sont toujours là, les persans, là. Les fessiers. Les Fésiens. Les Fésiens. Julien Fès. MDR. Pardon, je ne savais même plus comment rallumer mon casque. Ah bah mince, c'est velo ça. Du coup, vous, enfin là c'est pour les trois autres qui reviennent de la maison de Mathieu Pouk. Vous jetez un œil rapidement au niveau autour de l'Oriental Club. Et bah, aussi incroyable que ça puisse paraître, vous ne voyez rien. Genre pas de personne avec les fesses. Pas de personne avec de fesses. Du coup, vous rentrez, je suppose, à l'Oriental Club. Ben oui, on va. derrière, non, on reste. Non, oui, oui, c'est notre intention, on va pas rester devant encore. Donc, vous rentrez à l'intérieur et ben, vous rejoignez tous les trois le professeur Smith, qui est toujours en train de s'atteler à son travail de recherche sur vos affaires, et Barrington, qui. Vous voyez, ça lui a fait du bien quand même de se reposer, il en avait bien besoin. Il s'est bien restauré, il a bu du café. Il est d'attaque. Vous voyez qu'il est revenu, ça y est, il s'est recalqué. Il est repris en vigueur. Voilà. Bien. Donc, le professeur Smith se retourne vers vous. Il dit, ah, mes amis. Alors, qu'a donné votre. Attendez, professeur Smith, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler. Enfin, qu'on devrait vous parler. Ah. Quand nous sommes partis de l'Oriental Club il y a quelques heures, nous avons vu des personnes portant des fesses qui regardaient. Qui sortaient. Chou. Je pense que si vous quittez par la porte principale, il y a de grandes chances qu'ils vous pourchassent. Et j'ai peur qu'il vous arrive malheur. Peut-être penser à prendre une sortie un peu plus discrète et demander à votre valet de vous prendre une voiture pour vous rentrer tranquillement chez vous. Effectivement. Si c'est un passage secret, ce serait bien. Vous me faites bien de le dire, je vais m'organiser en conséquence. Et effectivement, nous avons eu une petite voie dérobée, quelque chose que nous utilisons assez rarement, mais je pourrais toujours l'utiliser. Effectivement. Très bien. Deuxième chose, nous avons trouvé le journal. De Matthew chez lui. Parfait, parfait. Il nous apprend beaucoup de choses sur son investigation, surtout contre ces personnes-là avec les fesses. Mm-hmm. Mais disons qu'il leur ait volé le fez à ces gens, et je ne sais pas ce qui était prévu initialement, mais il a dû, à un moment ou à un autre, être au contact avec celui-ci qui est arrivé là, et la suite, vous la connaissez. Il s'est introduit chez eux avant qu'ils repartent sur le train de l'Orient Express avec le fez. Vous pensez qu'ils seraient déjà partis ? Ils ne seront pas partis, non, pas sans le fez. Mais par contre, ils sont venus avec un fez et ils sont allés à une adresse très étrange. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le 3 Buffing Lane à Rotherhithe ? Oui, oui, oui. Ça est paru, c'est l'adresse d'un meurtre récent, d'un vieux collectionneur de fez. Il s'est fait défoncer littéralement le crâne. C'est surprenant. C'est. Vous me parlez. Bizarre. Comment on appelle les collectionneurs de fez ? Ce serait un monsieur Devor, c'est ça ? Monsieur Joshua Devor. Joshua Devor, c'est ce que vous avez trouvé chez Mathieu. Je leur montre l'article du journal. Ils en parlent là. Bah tiens, on les suit à la trace, hein, les fez. Les hommes aux fez. Attendez. Les Russes ont plus sûr pour les citoyens. Ça me donne des sueurs froides. Tac. Ah, il avait 70 ans. Bien vécu. Hein. Excentrique, tu m'étonnes, collectionner des fesses. Déjà, un philatéliste, c'est ceux qui collectionnent les timbres, mais comment on appelle un collectionneur de fesses ? Non, c'est des feignasses. Des feignasses. Les fellationnistes ? Des fellationnistes. Fesslationnistes. Ah là là là là. Écoutez, c'est quand même pas. Ça paraît quand même assez troublant, cette histoire. Du coup, comme je vous le disais, Barrington, maintenant nous avons la preuve que ces deux affaires, enfin, cette affaire est liée à Amenkaf. Oui. Du coup, d'où l'intérêt de se rendre sur les lieux. Mais Qu'avez-vous trouvé d'autre sur le journal de Pook? Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps Vous me dites qu'il a... Il a... Il a un peu espionné... Pas qu'un peu, mais c'est la nature. Il n'a pas trouvé d'informations, des choses qui pourraient être intéressantes, il n'a pas fait de recherche, rien du tout. Il s'est lancé comme ça. Je reprends le truc, hein. Si j'ai manqué quelque chose... Non, mais dans l'idée, non, il avait dit... excuse-moi, hein, mais je pense que là, je parle sous la garantie du MJ. D'ailleurs, tu peux remettre l'article, comme ça, je vais te confirmer. Mais... D'après ce que je me souviens, enfin, de ce que tu as dit, il a fait aucune recherche, peut-être à la bibliothèque, mais ça n'a rien donné. Ah, il aurait été à la bibliothèque du... Il aurait trouvé des choses à la bibliothèque, c'est ça? À laquelle? La bibliothèque du British Museum. Ce serait peut-être intéressant d'y aller aussi, je pense. S'il a trouvé quelque chose, ça pourrait être intéressant. Écoutez, ma foi, c'est comme vous voulez. Moi, comme vous dites, je ne peux pas trop bouger, comme vous le savez. Donc je vais pour l'instant rester ici, essayer de trouver d'autres choses qui pourraient être intéressantes pour nous tous. Et puis, dès que je pourrai, j'essaierai de m'éclipser pour ne pas me faire suivre. Par ces gens. Par la petite voix dérobée. Ouais, c'est ça. On fera diversion. On sortira par la porte principale. Bah, on va aller au British Museum. Vous commencez au British, d'accord. Alors, sachant que, comme je vous l'ai dit, votre train part dans 2 jours. Enfin, maintenant, nous sommes le 17. Non, le 16. Nous sommes le 16 octobre. Il part le 18, le train. Donc là, à peu près, vous faut imaginer que maintenant il est à peu près 15h. À peu près 15h. Le temps que vous fassiez tous vos trucs et tout, on va dire qu'il est à peu près 15h. Je vous laisse aller au British Museum. Professeur Kazim, restez avec moi. J'ai besoin que vous m'aidiez un petit peu pour 2-3 choses. Et notamment, vos connaissances sur Constantinople me seront fort utiles. Attends, je vais répondre par Kazim. Si, merci, mais... C'est bien. Bon, vous trois, j'espère que vous trouverez des choses intéressantes. Et vous voyez, Kassim qui s'assoit à côté. Kassim s'assoit à côté du professeur Smith. Et déjà, tous les deux commencent un peu à discuter de ce que veut trouver le professeur Smith. Vous êtes tous les trois. Je vous laisse. Bon, on est... tac, excusez-moi. Messieurs. Je pense qu'il serait peut-être intéressant que nous y allions tous ensemble pour optimiser nos chances de trouver ce que cherchait Matthew. Mais surtout le fait que si on se disperse, enfin, je pense que déjà d'une part, ça va pas donner grand-chose, mais surtout, tant pis s'ils nous poursuivent, de toute façon, on fera ça et on laisse le Fez ici. On saura se défendre. On laisse le Fez ici, mais pourquoi donc ? Il sera en protection ici. Mais par qui, vu que M. Smith s'en va, et suivi de Kassim? Je connais quelques gentlemen qui sont capables de veiller sur une mallette en toute sécurité. Et ils n'ont pas la curiosité débordante. Si vous le dites. C'est un club de gentlemen, monsieur. Capitaine. Donc on laisse le Fez ici, on y va, et on le reprendra le soir. D'accord. Une mallette verrouillée, un clé et un code. Du coup, Vous partez donc pour le British? Oui. Quand vous sortez, on sort toujours vous, par vous sortez par la porte principale, du coup. Bah, par la je porte. Surveille s'ils sont là. D'après ce que j'ai compris, Capitaine Barrington voulait faire une diversion en sortant normalement pour attirer justement si il y avait justement l'attention sur eux et pas sur le professeur Smith s'il venait à partir. Du coup, je me suis dit, je pense que vous partez par la porte de devant. Oui. Effectivement. Il était rouge. Quand vous regardez, il y a des hommes avec des fesses. Mais pas au même endroit exactement là où vous avez vu. Quasiment à l'opposé, ils ont changé, ils essaient de cacher. Ils ont varié la cachette. Juste une question, et là c'est hors jeu, hors machin. J'espère que vous n'oubliez pas les jets que vous avez fait, que vous avez mis. Ah oui, c'est vrai. Cocher si vous avez réussi des choses. J'avais réussi quoi, moi, la dernière fois? Oh, il doit peut-être avoir un jet de toc quelque part, on va dire. Parce que c'est un peu le jet qu'on réussit au moins une fois par scénario. Non, les jets. Écoutez, j'avais utilisé des points de chance. Alors, quand il y a des points de chance qui sont utilisés, ça ne compte pas. Il faut que ce soit un franc succès, direct. Oui, oui, j'essaie de me rappeler. C'était dans arme de poing. Pourquoi j'ai mis combat rapproché? Alors toi tu avais mis dans le chat, je crois. Ouais, je viens de voir. Tu avais mis quelque chose, exactement. J'avais réussi. Arme de poing. Ouais, c'est ça. Donc essaie de te mettre ça dans ta fiche, tu sais. Ouais, dans ta fiche, tu mets tu coches arme de poing comme ça tu. C'est fait, monsieur MJ. C'est parfait. Vous allez, parce que je suis sympa et qu'on avait oublié, vous allez me lancer deux fois un jet de chance. C'est bien ça. J'ai réussi et j'ai encore réussi. Super. En plus, j'avais utilisé de la chance. Attends, j'avais utilisé de la chance. Non, mais c'est offert par la maison. C'est offert par la maison parce que. Attends. Non, je me souviens, j'avais genre 47 points de chance. Donc ça marche pas, mais j'avais utilisé des. Non, mais c'est bon. T'inquiète, je suis sympa. Sois pas sympa. Bon, alors, nous avons George Banks qui fait un échec. Et Barrington qui fait un échec. Donc vous allez tous les deux me lancer un des 10. Oh, alors, tu te rajoutes 7 points de chance, Barrington. Et toi, tu te rajoutes 4. Voilà. Comme ça, on est à jour à ce niveau-là. On n'en parlera plus. Alors. Vous partez donc pour le British Museum. Tout se passe bien. Vous arrivez donc sur les lieux. Hop. La petite musique d'ambiance. Hop, c'est où ? Pardon. Vous êtes donc dans la bibliothèque du British Museum. Vous recherchez quoi en particulier? Déjà, on va aller voir l'accueil et on va demander le registre. S'il n'aurait pas emprunté des bouquins et rendu, son nom doit paraître dans le registre. Ouais, d'ailleurs, je vous pose la question à vous deux. Qu'est-ce qu'on recherche ici? Je ne sais pas pourquoi. Les écrits que Matthew aurait pu regarder pour son enquête. Mais il a dit que ça lui prenait du temps. Donc, ça veut dire qu'il passait beaucoup de temps à la bibliothèque. Certainement, des personnes doivent savoir ce qu'il étudiait ou voir les derniers, poser des questions. Voir les derniers consultés. Bonjour messieurs, donc vous recherchez un livre en particulier? C'est qui, pardon, excuse-moi, c'est une femme, c'est un homme? C'est un androgyne, non. Non, c'est une femme, c'est une femme. Ouais, c'est très bien. Je lui dis, je lui dis. Madame, oui. Nous cherchons, si possible, des livres qu'un de nos amis aurait pu lire. C'est pour une enquête. D'accord. Il s'agit de Matthew Pook. Matthew Pook. Bah attendez une seconde, je vais regarder ça. Matthew Pook. Oh, tu vois qu'elle cherche. Effectivement, j'ai bien Matthew Pook. Il vient assez régulièrement. Bon, ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu. Oui, alors la plupart de ses livres, il y en a quelques-uns, mais c'était beaucoup dans la section, disons, occulte. Je la connais bien. Écoutez... Vous avez les références des livres ou pas? Il y en a un bon paquet. Je ne saurais vous dire, attendez, bah, écoute, elle te fait une liste exhaustive de... Alors tu vois qu'il y a une vingtaine de bouquins. Il y en aurait presque plus, mais bon, elle t'en donne déjà ça. Elle te donne les 20 derniers qu'il aurait consultés. Très bien. Alors ça va du livre juste et jusqu'au ces espèces de feuillets, c'est juste des trois des parchemins, voilà, ouais. Des parchemins, des trucs comme ça. Le collimage. Voilà. Donc elle te donne ça. Très bien, je vois la partie. Est-ce que je peux regarder la liste et peut-être parce que j'y connais quand même quelque chose en occulte et même j'ai pas mal de connaissances, peut-être plus que Mathieu. Je connais déjà plusieurs de ces livres. Si tu y es les fesses, ça doit être en rapport avec les royaumes arabes et tout ça. J'ai une toute petite connaissance aussi en occultisme et en bibliothèque. Je pourrais tester. Ouais, bibliothèque. J'ai les deux. Enfin, j'ai les deux. Pas super. Alors, élevé, mais j'ai les deux. Vous allez me faire un jet tous les deux en bibliothèque. Et parce que vous avez, pour le professeur Worth a eu une bonne démarche puisqu'il a devancé un peu le truc, à votre jet, en fait, vous aurez un bonus de 10, on va dire, qui a, voilà. Là, ça passe pas. Non plus. Le Gandalf, il a dit. Plein de doudoune. Alors, en gros, là, faut que tu t'imagines que ayant ton bonus de 10, ça te fait 80 en bibliothèque. Hmm. Donc... Et bah, moi, je dis, je veux relancer. Et moi, en voyant qu'il galère, je vais essayer de les aider. Attends, allez, jeune homme, calmez-vous. Donc, tu pousses ton jet. Je n'ai aucune... Ouais, je pousse mon jet. D'accord. Comment ça, il y a de la transpiration sur mes mains? Donc je relance et cette fois-ci ça va passer. Ça va. Ça passe. Ça passe. Pendant que le capitaine Barrington ne pige fichtre rien à cette liste parce qu'il a jamais vu un seul de ses bouquins. Mais c'est quoi ça? Par contre, toi, professeur Worth. Bien sûr, certains de ces bouquins te titillent un petit peu, tu vois. Et de par ce truc, ça t'oriente vers quelques bouquins, mais qui vont te demander à utiliser tes compétences en langue. Ah. Donc tu vas choisir parmi ces trois langues que je vais te citer de faire un jet qui est soit l'arabe, soit le turc, soit le perse. Est-ce qu'il y a une différence entre les trois? C'est-à-dire que... Mais normalement, dans tes compétences, oui. Tu dois avoir... je suppose si que je tu fais vas un jet meilleure. En turc, est-ce que ça m'apporte d'autres connaissances que non, si je non, fais non, un non, test non. En c'est, turc? Il faut que tu réussisses à un de ces trois-là, en fait. Allez, on va choisir, faire un test en turc. 56, j'utilise un point de chance. Okay. Attends, j'ai des petites connaissances en langue arabe. Ouais, mais j'utilise un point de chance pour réussir. C'est trop. C'est trop, monsieur. Du coup, en feuilletant justement ce livre-là, parce qu'il y en avait trois qui t'intéressaient, qui te disaient quelque chose, et tu as décidé de prendre celui en turc. Et effectivement, ça t'amène à un texte en particulier, qu'il faut que je retrouve maintenant. Il est où? Ça, c'est la bonne question. Il est en turc de base, donc du coup, j'espère que tu sais traduire. Alors, attends, non, c'est pas celui-là. J'avais coché la case, mais non, j'ai utilisé un pot de chance. Ah, c'est celui-là. Tristesse. Ils sont vraiment caca, hein, les trucs. Mais bon, c'est pas grave. Voici ce que tu trouves. C'est l'apocryphe du Fès. De l'histoire du Fès rouge sang. Le Fès rouge sang a toujours été considéré comme un artefact maléfique fabriqué au nom de pouvoirs indicibles, de pouvoirs à ce point terrible qu'aucun homme sain d'esprit n'oserait même écrire leur nom. La première mention du Fès remonte aux alentours de 1550 dans les cours ottomanes, mais certains prétendent qu'il est bien plus ancien que cela et qu'il remonte à l'époque de la Grèce antique. Il est censé avoir le pouvoir de contrôler l'esprit des hommes et de lier leur destin à celui d'un mâle ancien, vieux, avant même le commencement des temps. Quant aux avantages, boire, se baigner dans un dans ou simplement faire couler le sang d'un prince lorsque l'on porte le fez est censé attirer des faveurs royales sur le porteur de la part des dieux sombres et selon d'autres, ce serait un moyen d'atteindre l'immortalité. Mais de tels dieux pourraient bien avoir une vision entièrement différente de la nôtre de ce que sont des faveurs royales. Un avertissement. Écoutez cet avertissement et prenez-le à cœur. Portez l'abomination connue sous le nom de Fès rouge sang déchaînera une pluie de calamités sur son porteur qui cédera son âme et son esprit à la volonté du Fès et ses terribles maîtres. Seuls ceux qui sont passés maîtres dans le domaine des arts noirs pourraient espérer survivre et pour eux, le prix serait encore plus terrible. Il est possible de contrôler le Fès et même de mettre un terme à ses agissements. Ceux qui cherchent ces savoirs noirs devraient consulter les murmures du Fès. Le Fès voilà gauche-rouge. Ce que vous avez trouvé. Le Fès gauche-rouge. C'est un cri. Les murmures du Fès. Du coup, vous allez ça. Tous les trois me faire maintenant un test de bibliothèque. Mais là, il n'y aura plus les 10. Oh. Ah, ok. Réussi. Seulement bibliothèque. Parce que j'ai un peu mieux en occultisme. Seulement bibliothèque. Mais j'ai... s'il te plaît. Oh, réussi. Alors, vous apprenez, parce que sur d'autres bouquins, il y avait justement cette note-là, que... selon toute vraisemblance, le murmure du Fès serait apparu dans l'Empire ottoman aux alentours de 1800. Mais il a rapidement été interdit. Par contre, il circule des copies qui sont parfois disponible dans des ventes aux enchères. Voilà. Voilà ce que vous apprenez. Je regarde le registre de la bibliothèque actuelle s'il n'y a pas quelque chose qui s'apparente au mur du Fès. Et juste comme ça. Et puis on verra si les prochaines ventes aux enchères, ce qu'elles proposent. A priori, là, comme ça, tu passes un petit peu de temps à essayer de consulter à droite à gauche. Mais, mis à part ce que vous avez déjà trouvé là, C'est peut-être la seule fois où fait mention de, du murmure du fez quelque part. Ça reste... ça reste... voilà, ça fait... On va dire que ça fait à peu près une bonne heure que vous êtes arrivé. Le fait que le professeur Worth ait fait la démarche de demander les dernières lectures de Mathieu Pouk vous a considérablement accéléré au niveau de la recherche. Mais le temps de mettre la main dessus, de traduire les textes et tout, bon, en gros, c'est passé une bonne heure. Ouais. Voilà. Il est 16h, quoi. Il est 4h d'après. Là, ouais, on va dire, allez, on va dire qu'il est, il était 15h quand vous êtes parti de l'Oriental Club, le temps d'aller au British Museum. Ouais, c'est le tea time, c'est l'heure du thé. C'est, voilà, il doit être sur les coups de presque 17h. C'est l'heure du thé. Eh, écoutez, si vous voulez prendre le thé, allez-y. Hein. Oh, ça passe tant de vieux, ça. C'est un américain, lui aussi. Non. C'est un jeune homme d'université. C'est un gars de la rue, quoi. C'est un gars de Meurthe et Moselle. Ils ont pas le tea time dans la rue. C'est un gars broche, Georges Banks. C'est ma mère qui prend le tea time. C'est des cailloux. Donc, c'est des sandwichs aux cailloux. Vous rendez compte à peu près au bout d'un moment que je pense que vous avez fait le tour de ce qui était possible de trouver au British Museum. Du coup, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Ça semble compliqué. Moi, j'aurais voulu essayer d'aller dans un bar, prendre quelques informations sur ce meurtre. De ce curieux personnage collectionneur de fez. Je pencherais plus pour aller justement à cette adresse. Cette adresse. Je n'ai plus. Au bout de la langue, mais je. Probitering Lane. Peut-être lui, il a le murmure du fez chez lui. Peut-être qu'il est quelque part. Bon. Donc il faudrait mieux y aller, je pense. Allons-y. J'aurais préféré récupérer des informations avant. Savoir quelle gang a commandité ce cambriolage et ce meurtre. Quelle bande. A priori, pour l'instant, de ce que vous avez cru comprendre sur la coupure du journal, puisque bon, vous deux, vous ne l'avez pas lu, mais Barrington a eu l'occasion de le faire, qu'ils n'ont aucune idée de qui a fait la chose. Seulement... Ah oui, mais je voulais dire pas aller voir la police, aller voir... Ah, d'accord, que George Banks essaie de se renseigner, voilà. De son côté. Voilà. Essayer de voir... écoute, si tu veux. Mais dans ce cas-là, ouais. Est-ce que tu emmènes tes amis? Je leur propose de se séparer. Eux, ils vont là-bas et moi, j'essaie de prendre de glaner des informations là. N'en profitez pas pour une petite Guinness de 5 heures. Non, vous inquiétez pas, j'en ai pas les moyens. Écoutez, comme vous voulez. Donc, le gushing, je prie. Tu veux quelque chose avec le capitaine? Je te donne quelques shillings. Donc. Du coup, le professeur Worth et le capitaine Barrington vont aller voir la demeure de Monsieur Devor. Et toi, George Banks, tu vas du coup aller te renseigner sur peut-être avoir des indices sur qui aurait commandité cet assassinat ou ce cambriolage violent. Juste avant de partir, je demande quand même comment ça s'appelle. Cette fameuse personne, je n'ai pas retenu le nom, vous l'avez dit qu'une seule fois. Monsieur Devor, Joshua. Joshua Devor. Joshua Devor, un vieux de 70 ans. D'accord, ok. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse aller à vos occupations. Je vais rester avec George Banks. Et George Banks, tu vas donc te rendre à... dans ton quartier, tu veux aller, j'imagine, un quartier que tu connais. Le quartier est juste à côté de son meurtre, en fait. J'imagine que c'est pas un quartier huppé où il habitait. Lui, si, hein, c'est un beau quartier quand c'est même. Hein. Bah, c'est un collectionneur, il est plutôt argenté, si tu peux dire. Donc, peut-être dans les quartiers mitoyens où ça craint un peu plus. Bah, après, tu as le quartier mythique le plus craignos, c'est Whitechapel. Vous y êtes allé d'ailleurs. Au pire, tu pourrais même repasser à Whitechapel si tu veux là. Je vais aller à Whitechapel et essayer de glaner quelques informations. Si tu... D'accord, et eh ben écoute, allons à Whitechapel. C'est parti. Tu te rends donc à Whitechapel. Je suppose que tu vas peut-être dans un pub ou peut-être un coin que tu connais bien. Oui, un pub là où la bière n'est pas très chère et les rats parcourent les dédales. Quand tu rentres dans un des pubs, il y a des hommes en train de boire, une femme qui sert un peu tout le monde, bien en chair, avec des chopes plein les mains. Puis t'as une voix du fond du bar fait « Hey ! Ce serait pas le petit Banks ? Comment il va celui-là ? Toujours pas en prison ?» Malheureusement, non. Putain. T'es bon pour te tirer de tout ça à chaque fois, toi. Tu vas bien finir par te prendre une balle dans les côtes, toi. Il faut savoir s'allier avec les bonnes personnes au bon moment, on va dire. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu fous là ? J'ai appris là pour un casque que je voulais faire. Enfin, une arnaque que je voulais faire, plus exactement. La personne dont je voulais m'en occuper, malheureusement décédée. Un meurtre. Qui c'est que tu voulais avoir ? Joshua Devor, c'est qui celui-là ? Hey les gars, c'est qui Joshua Devor là ? Puis t'entends un mec qui fait « Ouais, c'est un mec qui s'est fait buter chez lui, un collectionneur de chapeaux là, des trucs sans intérêt. » Qu'est-ce que tu voulais foutre là-bas mon gars ? Ah tu sais, il y a de vieux chapeaux, ça se rend plutôt pas mal. Les chapeaux ? Les chapeaux, je t'emmène plein les chapeaux si tu sais. Non mais tu vois, c'est les chapeaux comme les bijoux de la reine quoi. Je savais pas que ça marchait. Ça se vendait ce truc là. Enfin bon, bah il s'est fait buter maintenant ton gars, qu'est-ce que tu as fait ? Justement, j'aurais voulu savoir si quelqu'un connaissait un peu les personnes qui s'en étaient occupées. Enfin de voir s'ils devaient récupérer des objets. Wow. Parce que retourner là-bas comme ça, c'est un coup à se faire prendre par les flics et j'ai pas envie. Écoute, déjà j'ai jamais entendu parler de ce gars là donc. Ça va être un peu compliqué, je. Ouais, allez, bois un coup, je te le paye parce que je sais que t'as pas un rond de toute façon. Non, t'inquiète pas, c'est moi qui te l'offre. Mais t'as pas un rond. Là, je sors ma bourse, je prends les chines que m'a passé le très cher capitaine. Et... T'inquiète pas, je suis quoi payé. Bah ça, tu les as volés à qui ça encore? J'ai pas volé. Ouais, c'est ça, honnêtement. À d'autres. Enfin bref. Bon. Paye ta bière. Tu me donnes 10-15 minutes, je vais me renseigner pour toi et si j'ai quelque chose, bah écoute, se le dis. Tu vois qui se barre. Tu bois ta bière. T'as la vieille, la gonzesse qui servait, qui commence un peu à discuter. Ah, ça va mon beau ? Bon alors, petit box, ça fait longtemps que t'es pas venu voir maman. Hein ? Ah, tu sais maman. Compliqué avec les... Bah écoute, moi je pensais que tu t'étais fait tuer, hein, au bout de temps. Franchement. Ah oui. Ah, tu sais qu'il y a une personne qui doit survivre ici pendant son boulot, c'est bien moi. Ah bah je veux bien, mais tu sais, il y en a quelques-uns qui sont pas revenus depuis longtemps et on sait qu'ils ont fini 6 pieds sous terre. Hein. Ou dans la mer. Exactement. Autant la Tamise. C'est vrai. Bon, enfin, tu me diras en même temps. T'en as qui ? Il y en a combien qui savent nager ? Hein ? Bon. Et je suis le premier. Ouais. Les gars, ça fait longtemps que je vous dis d'apprendre à nager, mais vous m'écoutez pas. Surtout quand vous êtes bourrés comme des coins, hein. Bon. Enfin, bref. Fuck, là-bas, hein. Ouais. C'est les autres, ils m'entraînent toujours. C'est ça. Bon, j'espère que tu manges bien quand même. J'espère pas mourir. Non, j'ai trouvé des gros clients là. Oh. Des gros clients. Gros clients. Ouais. Des bons clients, on va dire. Ouais. Bon, du coup. C'est bien. C'est bien. Tu. Un job bien payé pour pas grand chose. Tu pourras les présenter à maman. Hein? Ah, je sais pas si je peux les amener ici. Attends, une belle femme comme moi, je suis sûr que je ferai leur bonheur. Non, c'est pas toi, maman, c'est l'endroit. Bah. Quoi? Tu penses que je suis pas faite pour la route? Que je suis pas assez raffinée? Je pas. Non. C'est les amener juste ici. Ah, bah t'as qu'à m'emmener moi. Moi je veux bien. Je me apprête toute belle et tu m'emmènes. Mais là, enfin allez, je t'embête pas avec ça. On est en surmeurtre. Peut-être une autre fois. Là. Et puis tu vois, au bout d'un moment, le mec qui revient. Bon. Banks. Comme je te dis, je connaissais pas ce type. J'ai fait un peu le tour de tous les petits cons du quartier, là, tous ceux qui s'occupent de ça, qui font les mêmes choses que toi, et j'étais voir aussi un peu plus haut, mais rien du tout. Ça vient pas de chez nous, ça. Non. Ça vient pas de chez nous, ça. T'as entendu parler d'un gang turc? Enfin, d'une bande turque. Les mecs aux fez. Des fez, déjà, je savais même pas avant que t'arrives ce que c'était un fez, alors. C'est un petit chapeau, là, indien. Petit chapeau rouge, là? Ouais, voilà. Ouais, si, on. Avec un pompon, ouais. On a eu des. On a entendu parler de ça. Faites gaffe à eux, ils sont. Y en a... Ouais, on le sait, il y a déjà eu des petits accrochages avec des gars comme ça. Mais c'est des costauds, attention, hein. Il y a la bande à Bill qui s'y sont frottés il y a 2-3 jours. Ils sont tous morts. Tous morts. Même Bill. Bah, Bill a eu le temps de se barrer, mais il ira plus très loin parce que. Ils l'ont bien charcuté, quoi. Ça. Ah non, ça rigole pas. Si tu peux les éviter, ceux-là, je te conseille de plutôt les éviter, tu vois. Ouais, non, je sais bien, mais. Tu penses que c'est eux qui auraient fait le coup? Il y a de grandes chances. C'est la bande aux fez. Le collectionneur de chapeaux avait peut-être un chapeau assez rare. Un fez assez rare pour eux. Ah, je vois, ouais. Écoute, bah là, non, je te dis, rien de ce côté-là. C'est pas chez nous, ça. Je suis désolé, mon petit gars. Ouais, faites gaffe quand même. Ça marche. Ouais, je te paye ta bière. Ah, ça me fait plaisir. Allez, je te laisse. Tu vois qu'il chope. Cul sec. Il sec, carrément. Poum. Puis là, ta maman qui arrive, genre, en mode gros câlin. Ouah, et alors, tu sais, elle a une poitrine imposante, tu te retrouves avec la tête dans les seins. Ah, mon petit. Et là, boum, une grosse taloche dans le dos. Et prends garde, fais attention à toi. Bon, je veux pas entendre lui, que. Maman, elle veut pas entendre que tu t'es fait avoir. Attention. Ça sera pas le cas, maman. Je te jure. Je te le jure sur ma tête. Ça va. Et bon, bah, tu sors et je suppose que tu vas retrouver les autres sur les lieux. Ouais, voilà. Ok. Bah, du coup, bah, je t'invite à couper ton casque et je vais récupérer les deux autres. Ok. Messieurs, bonsoir messieurs les voyeurs. Messieurs, vous êtes donc en direction de la maison de Monsieur Devor. Vous arrivez Donc, devant chez lui. Oui. Vous voyez que la maison est un petit cottage. Et que devant la maison, devant la porte d'entrée, se trouve un Bobby. Un Bobby. Un Bobby. Un policier. En faction. Oui, parce que le terme Bobby n'est pas forcément parlant pour tout le monde, j'imagine. Que faites-vous? C'est ça, c'était marqué. Il est grand, il y a du jardin tout autour, ou il y a du jardin juste devant, ou il n'y en a pas du tout? Je vois pas trop ce que c'est un cottage, moi. C'est une petite maisonnée, mais elle est pas gigantesque, quoi, tu vois. Donc tu auras pas 50 000 entrées, ou toi c'est en gros t'as la porte d'entrée. Si tu veux rentrer, malheureusement, il faudra passer par cette porte. Et donc faire quelque chose pour que ce policier te laisse passer. Il y a quoi d'interdit en Angleterre qui pourrait intervenir? Tu peux à la limite passer par l'arrière de la maison. Il y a une porte de derrière. Mais ouais, la porte de la cuisine en général. Hein. Mais là, il faudra avoir des aptitudes pour ouvrir la porte. Donc après, vous pouvez tout simplement aller voir le policier et discuter. C'est comme vous voulez. J'ai envie de faire un petit délit, histoire qu'il se bouge le cul, qu'il me court après, comme ça, monsieur ira fouiller ou voir. Et pendant que je fasse le tour du pâté de maison, je rentre directement, discrètement dans la maison. Bah, essayez d'en discuter. Je connais pas bien les lois américaines, anglaises, pour savoir qu'est-ce qui... Tu vas te faire tabasser à mort. Bon, je saurais te défendre, c'est pas grave. Discutez-en tous les deux, et puis vous voyez vos points de vue. Qu'est-ce que t'en penses, professeur? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi, je pense qu'on peut aller le cacher. On lui dit qu'on va rechercher des informations sur un fez de sang qui contrôlerait les gens. Je pense que... C'est quoi? Le gars veut dire... Allons-y. Hein? Sinon, il subira le mille foudres de Dieu. Bien sûr. Ça, je pense qu'on est un peu loin de tout cela. Allez, on avance et on va voir à peu près ce qu'il nous dit. Et je pense qu'on va lui apprendre peut-être des informations. Allez, bon, vous arrivez devant lui. Bonjour messieurs, que puis-je... Je me tiens en garde à vous. Hein. Tu vois que je le regarde, il est gradé ou c'est juste un Bobby? Bon, c'est un subalterne. Le premier. Il est là pour surveiller une porte. Ils vont pas mettre un sergent, un truc au gradé pour surveiller une porte, quoi. Non, le gars, il est là, il se fait chier presque, il est en train de fumer une clope, il s'emmerde. Ouais, même monsieur, que je puisse pour vous? Eh ben, je pense que vous pouvez beaucoup. Écoutez, monsieur, je suis ici peut-être pour vous livrer quelques informations sur ce qui s'est passé dans cette maison. Je détiens quelques informations dont je voudrais vous parler, et surtout... à l'inspecteur Kendall, de Scotland Yard. Kendall? D'accord. Et quel genre d'informations? Des informations que je peux pas divulguer à part à l'inspecteur. Mais c'est en rapport avec le meurtre de ce... Monsieur Joshua Devore. D'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi vous êtes ici? Vous auriez dû directement aller voir l'inspecteur à Scotland Yard. Parce qu'il n'est pas ici. Je pense que vous comprenez comme moi que... Non, j'ai bien compris qu'il n'est pas ici. Ouais, non, mais bien sûr, je doute bien, mais genre pourquoi venir ici? Je suis prêt à l'attendre si vous pouvez lui dire qu'on se retrouve ici, justement. Car nous devons, avec mon collègue aussi, passer au peigne fin la maison. Dites à Monsieur Kendall que nous savons... En gros, vous êtes en train de me dire que vous voudriez rentrer à l'intérieur pour chercher quelque chose. En gros, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Tout à fait. J'ai appris que la maison a été pillée. Nous voulons savoir ce qu'il y a disparu. En dehors de Monsieur Joshua, et à son âme. Nous livrons nos informations à l'inspecteur. Alors, vous allez me faire un test. J'ai du charme, je fais de mon bagou, si jamais il est un petit peu comme ça, tendance. Un test de... Attendez. Je regarde. J'ai du charme, charme. Test de pickpocket pour lui piquer les clés. De persuasion. Merde. Nice. J'ai réussi. Pas nice. Tu vois que quand Barrington commence à vouloir s'expliquer, tu sens que il bafouille un peu. Et très vite, toi, Worth, tu te places devant et tu lui coupes la parole assez rapidement. Et la façon dont tu expliques les choses, la façon, en plus, comme tu es un professeur, tu as le phrasé, tu amènes bien les choses, tu es distingué, t'as tout ce qui va avec. Tu sens que t'arrives à l'endormir un petit peu et qu'au bout d'un moment, ton flot de mots fait qu'il va, il cède. Et donc il fait, écoutez, okay, je veux bien vous croire, vous avez l'air de vous connaître dans votre truc. Ouais. Moi j'y connais rien, voilà, c'est des chapeaux, c'est... Je sais pas trop de ce qu'il en est, voilà, enfin des fesses comme vous dites. Allez-y. Par contre, s'il vous plaît, ne touchez à rien qui pourrait, voilà, j'ai pas envie d'avoir des soucis. Et s'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, ben là dans ce cas-là, allez voir l'inspecteur et si vous pouvez vous les accompagner enquête. Pour que vous non, il faut que je surveille la porte. Si jamais il y a quoi que ce soit, je préfère être à l'extérieur. Donc, écoutez, je vous fais confiance. Vous avez l'air d'être quelqu'un de confiance, donc allez-y. Mais s'il vous plaît, ne touchez à rien. Merci, monsieur le futur officier. Derrière. Donc il fait un quand petit sourire. Quand on rentre à l'intérieur, j'imagine que la porte est ouverte et tout. La porte. Il vous ouvre la porte, il a la clé. Serviable, le gars, mais putain, tu l'as endormi, hein. Quand vous arrivez dans la maison, vous voyez que, effectivement, l'intérieur est saccagé. Il y a des fesses qui sont éparpillées partout. Vous voyez que il y a une espèce d'armoire, une étage des étagères vitrées qui sont brisées. Notamment une qui est genre bien en évidence, qui est brisée et il y a rien à l'intérieur. Tu vois que le ils ont fait, de la manière dont il y a des traces de sang, tu vois que le corps a été retrouvé dans le bureau. Parce qu'il y a une tache de sang qui est encore visible par terre, près de la chaise. Tu vois que le bureau d'Evor, c'est un bureau en bois. Tu as déjà vu ces bureaux-là, ce sont des Rand Leopold. Les Rand Leopold, pardon. Vous allez tous les deux faire un jet de toc. Ouais. C'est bon. Il réussit tout, lui. Alors, vous n'oubliez pas de cocher vos réussites. Hein. Réussit tout. D'accord, n'oubliez pas. Pendant que toi, Roderick Barrington, tu cherches un peu à droite à gauche, mais bon. Pour toi, ça ne parle pas parce que c'est pas forcément l'environnement que tu connais. Tu sais pas trop quoi chercher réellement. Tu vois bien la trace de sang, tout ça. Effectivement. Je voulais voir, moi, s'il y avait pas une trappe cachée. Mais vu que je suis bigot là. T'essayes, du moins. T'es là, toi aussi, tu cherches. Mais pour l'instant, malheureusement, tu trouves pas grand chose. Par contre, toi, Worth, effectivement, ouais. Tu connais bien ce genre de bureau. tu as déjà eu l'occasion de, d'en avoir, et ne serait-ce que même fond, il y a un double fond à l'université. Et tu trouves dans un tiroir à double fond un livre de comptes et une lettre. Tu vois que la lettre provient d'un certain monsieur Leeds de Pera, qui est de Constantinople. Comment tu écris ça? Leeds, alors comme la ville de Leeds, L-E-E-D-S, et de Pera, P-E-R-A, facile, et qui vient de Constantinople. Attends, bon, là je fais une rature. Deux secondes. Leeds. Constantinople, ok. De Pera. Il lui propose justement dans cette tête la somme princière de 100 livres. C'est une somme énorme, oui. En échange d'un livre qui s'appelle Les Murmures du Fès. Et il a su que justement monsieur Joshua Devor était rentré en possession de ce livre il y a assez récemment. Malheureusement, tu n'as que la lettre, mais l'enveloppe, elle, tu la trouves pas. Donc, aucun moyen de savoir l'adresse de qui l'a envoyé. Par contre, tu sais que la lettre est datée, et elle est datée de 2 semaines. Quelque chose d'intéressant, professeur ? Il est encore en train d'écrire. J'écris. Je suis songeur. Écoutez, capitaine, je pense que j'ai des informations. Quelqu'un nous a devancés. Je pense que le murmure du Fès n'est plus présent ici. Et je crains qu'il soit retourné à Constantinople. Alors, quelle catastrophe. Toi, tu sais, Barrington, que le meurtre de cet homme s'est passé bien avant que vous... vous rencontriez, enfin bien avant, quelques jours avant que vous rencontriez le professeur Smith le 15 octobre. Je crois que... il l'a vendu il y a 2 semaines. Non. T'as dit il y a 2 semaines. Il l'a pas vendu il y a 2 semaines. Ah, il a reçu la lettre pour proposer. Je pensais que c'était marqué sur livre de compte, c'est pour ça. Là, il a reçu la lettre de pour proposer la somme de en échange de. Tu sais pas s'il a vendu. T'en sais rien, s'il a refusé. On s'en sait rien. C'est écrit qu'il a encaissé 100 livres ou est-ce qu'il s'est écrit. Est-ce qu'il écrit quelque part qu'il a dépensé. Ah, pour l'instant, il a juste regardé la lettre. Il a pas encore regardé le livre de compte. C'est là, c'est juste la lettre. Je vais inspecter les livres de compte. Après, vous savez que. Et moi de même. Le monsieur Devor s'est fait tuer le jeudi dernier. Donc en sachant que vous c'était le 15. Non, attends. Le 15, attends, jeudi le 12, dernier. Le 11. C'était le 11, enfin le 11 ou le 12 là. Il s'est fait tuer le 11 ou le 12. Donc, avant même que vous ayez connaissance de l'histoire et que vous ayez rencontré le professeur Smith, il était déjà mort avant. Maintenant, effectivement, tu vois le livre de comptes. Et tu lui indiques, tu vois que le livre de comptes indique que tous les fèzes et les livres qui sont présents ici sont assurés. Est-ce que tu peux me faire un test de comptabilité, s'il te plaît, si tu as comptabilité. Moi, je l'ai à 5%. Bah, vas-y. Ok, donc... il me propose même pas d'utiliser le point de chance. Hein. Tu... Je l'épaule, je regarde quand même. veux. Tu vois que non, tu vois que l'ensemble des choses sont assurées et c'est la seule chose que tu vois. Aucune vente ni rien, moi je te laisse regarder. Est-ce que vous continuez un petit peu à chercher des choses à droite à gauche ou vous... Je vais fouiller quand même là où il y avait les vitrines, d'après ce qui a été marqué dans l'article de journaux, c'était là où se trouvaient des écrits importants sur les fesses. Je jette quand même aussi un deuxième regard sur le livre de compte, bon, on ne sait jamais, hein, de toute façon. D'accord. Vous voyez que... Il s'est endormi. Vous voyez au bout d'un... Vous entendez au bout d'un moment un... Oula. Sur la porte d'entrée. Et la porte s'ouvre. Et c'est le Bobby. Tiens. Oui, c'est le, c'est le Bobby qui ouvre la porte et fait « Eh monsieur, il y a un jeune là qui dit qu'il vous connaît, si vous le connaissez lui ?» Et vous voyez derrière John, qui porte George, un fez. George Banks. Il se pousse. Ah, George. George. Ah, il est avec vous ? Venez, oui, George. Il est avec nous. C'est okay. Notre ami. Bon, vous en êtes où là ? Vous avancez dans vos recherches ? Écoutez... Je vois que les écrits qui étaient dans les vitrines ont été volés. On les a pas retrouvés, donc j'imagine que je suis pas plus fort en maths que mon confrère professeur. Ok, ok. Bah, écoutez, je vous laisse. Tu te fais rentrer, Georges, et il ferme derrière. Donc. Pas plus. Hein. Du coup, vous avez pris quoi, mes amis? Nous avons découvert une lettre que le professeur a lue et un livre de comptes dont j'y apprends que pas grand chose pour l'instant. Mais je t'en prie, si tu veux jeter un coup d'œil. À comptabilité. Ouais. Super. Et perso, moi je suis allé voir deux, trois de mes amis et. Non, rien, c'est pas un gang local qui a fait ça. Mais sinon, la Guinée, c'était bonne ? Oui, regarde ça. Enfin, c'est surtout c'est fraîche. La Guinée. Regarde, il a trop bu. Ouais, il a trop bu. Comment le focus ? Franchement, ça devient alors, flou. Attendez, juste au bon moment, tu vois, au moment où il dit Guinness, ça devient flou, tu vois. Je pensais à un signe. Non, mais je suis pas bourré. Hein. Je suis pas bourré. Maintenant, je vous propose quelque chose. Étant donné que Professeur Worth en a fini avec le livre de compte, si vous voulez, vous pouvez tout à fait vous faire un test de compta. On sait jamais, par le plus grand des hasards. J'ai fait, monsieur, ce serait tricher si je rajoute encore un second jet. Ah, tu l'as déjà fait, toi, le test de compta? Ouais, j'ai on l'a raté. J'ai pas énorme en même temps. Mes compétences... Écoute, peut-être que George Banks a des compétences cachées en comptabilité. Malheureusement... Peut-être. Non. Bah, tu t'as essayé? Non mais je vois bon, ça. Vas-y, essaye. Ouais. Clair, on va te dire t'as pas aimé. Tu sais que quand tu vois. Non mais voilà. Utilise des points de chance. Utilise des points de chance. C'est celui qui est. Tu es le meilleur en compta de des trois. Non mais ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Non mais je fais un bonus de ripou. Non. Non mais après. Voilà. Du coup, j'estime que vous restez un petit temps pour essayer de voir machin. Et ce que vous remarquez au bout d'un certain temps, pour avoir tourné à droite à gauche, c'est que pour vous, aucun fez n'a été volé. Mais vous, c'est toi qui cherchais. Du coup, aucun fez. Vous rendez compte que tous les fez qui étaient là sont bien présents et qu'il n'y en a aucun. Qui ont disparu. Moi, monsieur MJ, mais pour moi, c'était évident que c'était pas ça qu'on est venu chercher en plus. Ah oui, non, mais après, je. Le document. Tu peux utiliser un point de chance, alors ? Un point ? Non, attends, il en faut 16. Un point. Ouais, ah. Non, mais. Tu fais ce que tu veux, hein, moi, après. Il vient de donner la réponse, ça sert à rien de cramer ses points. D'accord, ok, très bien. Et je comprends. On est sûr que du coup, ils sont venus les... Pour, les... pour le manuscrit. Pour les murmures. C'est ça. Ils sont venus que pour ça. Pourquoi ils l'ont buté en fait? Clairement, ils l'ont. Bon. Ils veulent le faire parler, ils avaient le sang chaud, ils ont fini le truc. Je sais pas. Ils auraient pu l'attacher et le voler, peut-être, parce qu'ils se connaissaient peut-être. Je continue, moi, dans mon idée obtuse de chercher des trappes cachées en dehors du bureau, parce que je connais pas le modèle du bureau. Enfin, voilà. Bah écoute, tu cherches. Et dans ta détermination à trouver une trappe cachée, effectivement, à un moment donné, tu trouves une trappe cachée. Et ouais. En fait, quand tu ouvres cette trappe, tu t'aperçois qu'en fait, est caché. Oh, Mazel Tov. Deux plaquettes de chocolat. Deux plaquettes de chocolat. Je croyais que c'était un truc orange, mais pas un chocolat. Alors. Te chie. Non. Ouais, voilà. De l'opium. Mais du bon chocolat. Ah, du bon opium, quoi. Celui qui fait rire, quoi. Du Suisse. Ah non, du chocolat, du goût chocolat. Mais en sachant que à cette époque, le chocolat, c'était un luxe quand même. Hein. On n'est pas, c'est pas quelque chose que tout le monde peut acheter. J'en prends un carré alors. Bah, s'il veut bien t'en donner. C'est lui qui l'a donné. Donne les tablettes. Super. Régale-toi. Parfait. Du 90% cacao. Messieurs, je pense qu'ils sont repartis avec le manuscrit. Il y a aussi de fortes chances qu'ils se connaissaient peut-être. Ça m'étonnerait que. Pourquoi ils l'ont pas simplement attaché, ou peut-être. Ça s'est mal passé. C'était qui le commanditaire, monsieur Leeds? Leeds. Pera, ouais. De Constantinople. C'est le crime. Je pense que la semaine dernière, il a eu le temps de partir. Il faudrait qu'on fasse nos bagages, qu'on y aille. En sachant que, pour vous donner une idée, le nom Leeds, c'est comme si tu disais Monsieur Dupont, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est un Smith, c'est un Martin, c'est tout ça. Voilà. Sûrement un nom d'emprunt, quoi. Mr. Leeds is in the kitchen. C'est peut-être ça. J'ai trouvé, c'est Monsieur Leeds, le meurtrier. Je pense que le manuscrit doit être déjà parti pour Constantinople. Ouais. Donc on va préparer nos bagages bien comme il faut. Est-ce que on peut essayer de fouiller s'il n'aurait pas fait une copie, ou peut-être des traces, ou des notes de celui-ci? Écoute, je pense... Quand est-ce que part le prochain train pour... Votre train part après-demain. Le 18. Du coup, il est pas. Mais le manuscrit, ça fait 3 jours qu'ils l'ont, donc je sais pas s'ils sont pas partis avant. Bah, en sachant que. Alors maintenant, je vais vous donner quelque chose. Enfin, je vais vous transmettre quelque chose. En sachant que. Ce que vous savez, c'est que les départs. Ce que vous a expliqué, en fait, le professeur Smith, c'est que. Les départs de l'Orient Express sont les lundis, les mercredis et les samedis. Vous, quand vous avez vu, en fait, vous avez été sur les lieux le 15 octobre, on était un dimanche et il était minuit. En sachant que... Nous sommes vendredi. En gros. Attends, on est vendredi aujourd'hui? Bah ouais. Bah non, c'était dimanche. Là, on était le dimanche 15. Le lundi 16, donc aujourd'hui. Le mardi. Mardi, ouais. Voilà, donc en gros, vous pourrez prendre le train. Donc vous allez prendre le train... De demain pour choper celui de celui qui est parti de mercredi. Vous aurez le train de mercredi. Ok. Je suis embrouillé là. Non, en gros, là... Si on prend le train de demain pour rattraper celui de la semaine dernière, ça va faire difficile. Attends, on est dimanche. Non, aujourd'hui, on est lundi. Vous partez... Vous partez mardi. Vous partez mardi pour avoir le train de mercredi. Ok. Dans tous les cas, ils sont peut-être partis déjà, mais bon... Mais du coup, comme ils étaient, on va dire, entre guillemets, vous avez vu des gens avec des fesses un peu partout... Enfin, en gros, vous avez imaginé qu'ils seraient, ils eût été sur les lieux le dimanche. Ah, c'est le jour où vous étiez. Donc, le temps de prendre le train de Londres pour aller jusqu'à Paris... Donc ça veut dire et que le train partait le lundi à 19h. Ils n'ont pas le TGV à ce moment-là, quoi. Je veux dire, donc le temps de trajet, en sachant qu'il faut prendre un train pour aller à Douvres, de Douvres il faut prendre un ferry pour aller à Calais, et de Calais il faut prendre un autre train pour aller à Paris. Tout ça, le dimanche soir à minuit. Non. Pour le lundi, ça risque d'être compliqué. Donc, entre mais... guillemets, il est possible que vous soyez dans le même train mercredi. Voilà. Mais après, il y a un autre truc aussi. C'est le fait qu'il y a encore des personnes avec des fesses. Et là, normalement, les personnes avec les fesses auraient dû partir avec la personne. C'est ça. C'est pour ça étant donné que c'est lui et ses sbires... Puisque, comme vous l'avez vu dans la note de Mathieu Pouk, il a vu Mancaf acheter des billets pour lui et ses sbires. Donc, si vous avez des sbires encore aujourd'hui qui vous surveillent les miches... C'est qu'ils sont pas encore partis. C'est qu'ils sont pas encore... Voilà. Vous imaginez que... Donc, peut-être, par le plus grand des hasards, vous pourriez vous croiser dans ce même train. C'est possible. Si possible, avec Assa et Assa, voilà. Donc, à savoir que voilà, votre train, votre départ de Paris sera à 19h30, qui vous emmènera donc à Chalon-sur-Marne, qui est la vraie gare de départ de l'Orient Express, et votre départ sera à 22h26. Exactement. C'est un peu de départ avant le départ. Du coup, là, que faites-vous ? Vous êtes dans la maison de Monsieur Dévor. Vous avez trouvé quelques informations. Moi, je vous informe. Il est 18h. Qu'il se fait faim. Je vais aller manger ma gélatine hideuse et dégoûtante quelque part là où on dort. Je sais plus. Et puis je glisse un petit livre au Bobby en partant. Je posais la question, mais c'était plutôt par avis de conscience. On a bien fouillé les lieux et on a trouvé aucune copie du document et aucune trace de note. Donc ça veut dire que bon, là, ils ont la seule copie, le seul document. Quoi. C'est ça. Oui. A priori. Mais si on appelait la police. Ben elle est juste derrière la porte. Toc à la porte. En vrai, je tiens à dire, dans ma tête, ça pourrait marcher. Des mecs avec des fesses. Je pense que tu peux les retrouver. Franchement, c'est ultra visible. Les mecs comme ça, ils les arrêtent tous. Ils s'embarquent au poste. Non, mais pour le coup, je sais pas si demander à la police justement de trouver des vrais assassins. Faut-il avoir des preuves déjà que ce soit eux. Je m'en vais manger et faire mes bagages. Votre mission. Entre guillemets, principal est d'amener le fez à Constantinople pour y être détruit, pas de retrouver les mecs. Vous, non, mais ça pouvait les ralentir. Vous avez le fez, il est en votre possession. Fausse alerte, pourquoi je fais le téléphone? Ouais, une fausse alerte, un télégramme, un truc anonyme, une lettre avec des une lettre anonyme avec des lettres découpées, signées, signée Albert Anonyme. On pourrait demander à l'inspecteur que les suspects venaient de Constantinople. En accusant tous les meurtres et tous les mâles de... Et peut-être au voisinage, on leur dit, vous avez pas vu ces Turcs qui se baladaient, c'est dans ces matins dans... Ils portaient des fesses. C'est eux qui ont volé le chat de Mireille à côté. On instaure la peur comme ça. Ils vont faire, ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Ils vont s'en rappeler, parce qu'ils sont vieux. C'est comme ça, les... Non. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr. Hein. Tout à fait. Donc, on va sortir. Moi, je remercie le Bobby et je vais lui dire de prendre garde aux gens qui portent des fesses. Ouais. Écoutez, je j'y prendrai garde. Merci de votre conseil. Vous avez arrêté les Turcs ces derniers temps? Des Phésiens de l'Espagne. Non, non. Bon, je vous remercie. Nous allons peut-être informer l'inspecteur de ce que nous savons. D'accord. Alors, vous savez que votre train est... à 10h du matin pour le départ pour Douvres. Ça va, on a le temps. Il est là, il est 19h. Parce que vous avez pris le temps. On retourne à l'Orient Club. On prend c'est le graille. Moi, je commence à fatiguer, à avoir faim parce que j'ai pas dormi la veille. D'accord, bah écoutez, vous de ce pas, vous retournez à l'Orient Club, pas de problème. Vous rentrez, le professeur Smith est toujours là. Dans le petit truc. Dans son petit salon privé, puisqu'il a écouté tes conseils et il a demandé un salon privé. Donc vous voyez qu'il vous voit arriver. Enfin, mes amis, Cassim et moi, nous travaillons assez dur pour trouver quelques informations, mais qu'en est-il de vous? Nous avons trouvé le document que cherchait Mathieu. Il s'agissait. Du murmure du Fès. Est-ce que ce document vous parle? Les murmures du Fès. Oui. Comme ça, là, non, mais vous allez éclairer ma lanterne. Que sont les murmures du Fès? Eh ben, c'est un document qui retrace certainement les pouvoirs terribles du Fès rouge de sang. Ou Fès rouge sang. Le même Fès rouge sang. Un Fès rouge de sang. D'accord, ce qui est dans notre possession. Il s'avère que le professeur... Enfin, pardon, excusez-moi. Il s'avère qu'un collectionneur de Fès possédait certainement ce manuscrit. Même plus que certainement, puisqu'il était retracé et une lettre lui était adressée de la part d'une certaine Liz Perra. Monsieur Leeds. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Monsieur Leeds, non, pas du tout. Des Leeds, il y en a partout, des Leeds... Qui voulait acheter le Fès, le murmure du Fès, pour quelques livres. Quelques livres? Pour combien de livres? Pour quelques livres? 100 livres, vous pouvez vous donner quelques livres. Et deux tablettes de chocolat. Et non, c'est, oui, c'est une belle somme. effectivement. Et donc vous pensiez qu'il était détenait ces documents et qu'on l'aurait tué pour ça alors? Je pense que oui. C'est plutôt inquiétant. Alors si ces documents ne sont plus là et que c'est bien Menkaf qui les a récupérés, il va falloir très vite emmener le Fès à Constantinople pour qu'il soit détruit, parce que on ne sait pas. Son pouvoir. Oui, donc d'autant plus qu'il faut pas perdre de temps avec ça. Le plus vite il sera détruit, le mieux c'est. Écoutez, de toute façon, vous partez demain à 10h, donc... Et j'ai besoin d'une bonne nuit et d'un bon repas. D'accord. Écoutez, la cochonnerie. On m'apporte la cochonnerie. On t'amène ça, de toute façon, t'es à l'Orient Club, il y a un service, tu peux y manger, hein, donc on t'amène de quoi te restaurer. Du coup, qu'est-ce que vous pensez faire maintenant? Peut-être vous reposer, parce que le voyage risque d'être long. Oui. Y aurait-il un coffre dans le club juste pour la nuit, pour le servir quoi? Bien sûr. C'est juste pour la nuit, et on récupère avant de partir. Bah tout à fait, je peux le demander, il sera mis au coffre, oui. Histoire de pas avoir les cheveux blancs en dormant, quoi. Non, il n'y a pas de problème, je vois ça. Donc tu vois qu'il fait venir une personne. Il dit oui, est-ce que vous pourriez déposer ça au coffre pour moi, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, professeur Smith. Et il prend le truc et il va mettre ça au coffre. Vous pouvez dormir tranquille. Vous l'aurez demain matin. Merci bien. qui n'ont rien d'autre. Et qu'a donné votre recherche au British Museum? Des indications justement sur ceci. On a des extraits. Des extraits de. Des recherches sur l'apocryphe du Fès, c'est ça? Non? Oui. Je me trompe, ouais, c'est ça. Et donc? En trois petits articles. Et sur l'avertissement. Qu'il fallait le prendre à cœur, que porter l'abomination connue du nom de Fès Rouge déchaînerait une pluie de calamités sur son porteur, etc., etc. Et que ceux qui cherchent à savoir ce que était le Fès Rouge devraient consulter les murmures du Fès, qui, je pense, est un énorme document plein de pages et à couverture rigide, ou alors un simple papier. D'accord. Oui, donc en gros, ça montre bien que ce Fès est d'une dangerosité incroyable et que... Il renferme un énorme savoir occulte qui devrait être banni et déjà retrouvé avant qu'il tombe entre de mauvaises mains. Nous avons une partie de l'artefact, je pense, occulte. Il faudrait retrouver le second et détruire les deux. Et pour savoir détruire ce Fès, tout est, je pense, écrit dans ces fameux... Les murmures du Fès, vous voilà. Pensez. Ouais. Écoutez, déjà que Demir ait le Fès Rouge, ce serait déjà une bonne chose. Peut-être que lui, de son côté, a pu trouver un moyen. En sachant que, entre guillemets, vous avez vu qu'il existait des copies. Donc, des copies. Peut-être que lui, de son côté, il pourrait aussi en avoir une, hein, vous ne savez pas. Oui, c'est certainement possible. Du coup, en espérant qu'il puisse s'en occuper. En tout cas, je vous remercie encore, mes amis, de faire ça pour moi. Merci pas. Sachez que vous êtes en train de faire quelque chose de très grand. Pour des gens qui n'ont pas conscience de tout ce qui se passe et les enjeux qui sont en jeu, du coup. Bon, il est temps peut-être pour nous de prendre congé. Je pense, reposez-vous, vous aurez une rude journée demain qui vous attend et je pense que vous devrez être sur le qui-vive car les acolytes de Mancaf seront peut-être... Ah oui, mais ceci dit, par rapport aux acolytes, je sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Banks et professeur. Oui. Sujet de la lettre anonyme destinée aux policiers, c'est une bonne idée ou pas selon vous? Moi, créer une petite grosse fausse piste qui emmènerait à interroger tous ceux qui porteraient un fez sur la tête, par exemple, un délit de sale gueule, quoi. Ce serait pas mal, non? Écoutez, vous pouvez toujours essayer, mais. Vous, je parlais aux joueurs, c'est pour ça. Ah, à moi! Oui, aussi. Vous parliez au professeur. Non, moi je croyais que j'étais pour moi aussi, mais. Et moi aussi. Smith, pour ça, hein. C'est vrai qu'on s'en fichait du pas. Je vous ai appelé. Ouais. Non, mais ce que j'ai proposé, moi. Par rapport à la lettre anonyme, c'est une bonne idée ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si on l'a fait, il faut la faire ce soir. Avant de partir. Parce que sinon, demain, ce sera trop tard. Ou sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser une fenêtre avec des fesses sur la tête, dans le plein voisinage. Je t'arrête tout de suite, on fera pas ça. Non. Et là, ils auront envie de coffrer tous ceux qui ont des fesses. Ouais, et toi y compris. Enfin, nous y compris. Non, mais j'enlève mon fesse. On achète tous un fesse, on le brûle ensuite. Non. Voilà. Alors, je vous propose des trucs. Hein. Prends ça, moi je prends un vieux journal, je découpe des lettres, je fais une lettre anonyme. Et je le fais porter par un... votre main gauche, hein, ça marche aussi. Non. Ça marche bien les bonnes vieilles méthodes à la colle. Et je paye grassement un coursier pour qu'il poste le truc au commissariat, à Scotland Yard. Je fais le même truc et je l'écris de la main dont je ne suis pas... qui n'est pas ma main courante. On voyait pas 40 lettres non plus au commissariat, sinon ils vont croire qu'on est fous. Non, ouais, moi aussi j'ai vu, moi aussi j'ai vu. Non, mais comme ça ils pourront regrouper des informations et je les. Mais eux, copie pas eux. Je l'enverrai par un autre endroit. Putain, quelle bande de racistes. Je l'enverrai. Moi je vais me reposer. Justement de, par Whitechapel. D'accord. Mais sur ce, vous passez, on va dire, deux bonnes heures à faire vos découpages, écriture, main gauche. Ah non, mais non, deux heures, non. Ah mais, non, attends, tu fais ça bien. J'écris une ligne, moi. Tu fais de la colle, tu découpes les lettres comme il faut. Le truc du psychopathe perfectionniste, ça non. Ça prend le temps que ça prend. Bon, allez, je te dis une heure. Allez, pendant une heure, ça vous prend une heure de bien faire les choses. Ouais. Chacun de votre côté. Pendant ce temps-là, vous voyez que professeur Wears, lui, ça fait déjà une heure qu'il est barré, qu'il est parti se reposer. D'ailleurs, vous êtes allé chez Monsieur Smith hein, pour tout ça. Il vous laisse pour que vous restiez tous ensemble, hein, pour pas vous séparer. Et bon, au bout d'une heure. Vous déposez la lettre comment à Scotland Yard. Un coursier. Je te dis, je paye un grassement à coursier. Ah, coursier, le coursier emmène ça. Et toi, sans le sou, tu l'envoies comment ta lettre? Moi, je demande à Mama de la poster. Ok. Écoute, tu vas voir Mama et Mama. Monsieur pauvre. Mama te fait. En fait, elle appelle un des gamins de la rue et c'est lui qui va aller transmettre ça à Bobby. Et donc, là, les lettres sont parties. La nuit se passe. Elle se passe plutôt bien par rapport à celle que vous aviez eue la nuit précédente. La veille, ouais, c'était particulièrement terrifiant. Pardon. Vous allez me faire un test. De quoi? Qu'est-ce qu'on va vous faire comme test? Un test de réussite en D. Pour savoir si vous allez bien dormir ou pas. Savoir un test de réussite en D. Pour savoir si on a bien réussi les D. Hein? Un test de sommeil. Un test de sommeil. Tu peux nous faire un test de pouvoir. Si c'est lié au surnaturel, ça peut être pas mal. Bien, test de pouvoir. Tiens. J'ai toujours des bonnes idées. Oh là là. C'est bon. Tu as réussi là? Bon. Tout le monde a réussi. Non, attends. C'était quoi? Pouvoir? Pouvoir, ouais. C'est où? C'est dans. C'est dans les caractéristiques les principales. Caractéristiques principales, ouais. C'est avec force. Ah ouais, ça. Ouais, ok. Oh mais merde! Ouais, je vais voir mes sueurs froides, moi. Ah, c'est parce que t'as pas dormi hier. Harold? Ouais. Tu passes une nuit des plus reposantes. Pas de cauchemar. Très bien. Ça se passe bien. De ton côté, toi, Georges, ça va. Après, il y a eu quelques petits réminiscences de ce qui s'est passé, mais rien de bien méchant. Ouais. Tu passes une nuit normale. Normal. Voilà. Par contre, toi, Barrington. Non, c'est pas vrai. C'est pas moi, c'est lui. Hein? C'est pas moi, c'est lui. Tu passes une nuit un peu bof. Jusqu'à 2h du matin environ, c'était une nuit plutôt agréable. Tu rêvais de. D'Afghanistan, de gens que tu tuais au couteau. Oh le barbare! Le bon vieux temps, quoi! Et à partir de là, tu vois que ça change un peu, que des gens avec des chapeaux rouges envahissent l'espace. Et des gens, même. Avec des langues géantes qui viennent te perturber pendant ton sommeil. Tu te réveilles plusieurs fois, t'es pas à l'aise. Tu t'es en sueur. Je me retourne dans mon lit, j'ai chaud, j'ai froid. Et disons que jusqu'à ce que tu te réveilles complètement, tu te seras réveillé 3-4 fois. Mauvaise nuit. Bof. Ouais. Peut mieux faire. Pas pire, enfin, tu feras pas pire que la première où t'as pas dormi du tout. Mais. Je mettrai une étoile sur Trivago. Voilà, c'est. C'est pas une super nuit, quoi. Le lendemain matin, vous êtes réveillé par le majordome de Smith. C'est quoi comme jeu, le Trivago ? Je sais que c'est un jeu de société, mais je sais pas si... C'est pas un jeu, le Trivago, c'est un comparatif c'est pour de... les hôtels. D'hôtels. Ah, ok, d'accord. C'est pas le Trivial Pursuit. Ensuite. Alors, si t'as passé mauvaise nuit, tu vois, c'est dans la coutume, c'est comme si t'étais critique, et tu dis, je mets une étoile sur Trivago. C'est juste ça. Ah, ok. Vous. Je ne recommande pas Airbnb chez Monsieur Smith. Voilà, c'est ça. Du coup, vous êtes réveillé par le majordome de Smith le matin. Bon, il doit être sur les coups de 7 heures, vu que vous devez être pour 10 heures à la gare. J'ai fait mes petites affaires. Quand il vient vous réveiller, Barrington, tu es déjà réveillé. Tu as les deux billes. Je suis déjà au whisky du soir, moi. Quelques cernes. Et bon. Il vous sert le petit déjeuner. Vous mangez copieusement. Saucisses. Haricots. Des œufs. Du bacon. Un bon petit déjeuner anglais. C'est léger pour moi. Vous voilà parti. Pour la gare. C'était quoi là du pudding, du porridge. Porridge. Voilà. Ah, c'est un truc, tu le vois, c'est absolument. Bah, mais tu es anglais donc tu aimes ça. Ah non, mais au goût c'est différent. Au goût c'est différent. J'ai déjà mangé du pudding. Le goût c'est vraiment très très différent. Voilà. Mais les anglais aiment ça donc vous aimez ça. Vous aimez ça également. Très bien. Vous voilà donc parti pour la gare de Victoria. Et vous notez que l'activité de la police a l'air un peu plus importante ces derniers temps, enfin ce matin, et que ça circule, et que la moindre personne qui aurait ne serait-ce qu'un chapeau rouge sur la tête est interpellée. Alors, pas forcément arrêtée, hein, mais on vient voir... Mais ça s'arrête là, pour vous. C'est à cause de qui tout ça? Voilà. Vous voyez le sourire, des sourires en coin de chez Georges et. C'est pas moi, c'est lui. Et Barrington. Mais. Bon. Le train est là. Vous voyez le professeur Smith qui arrive à la gare avec une sacoche. Je pense quand même à prendre, ouvrir le coffre et récupérer ce qu'il y a dedans. Mais ah merde, on est chez Smith, on sort de chez Smith, pardon. Vous arrivez à la gare et le professeur Smith arrive à la gare également. Il arrive avec une sacoche. Mes amis, je pense que ceci vous sera utile là où vous allez. Évidemment, évidemment. Il vous tend la sacoche. On a avec un petit clin d'œil. Un wink wink. Écoutez, et vous voyez Cassim hein, qui accompagne le professeur Smith, hein, évidemment. Écoutez, mes amis, j'espère que vous arriverez à mener ceci à bien et que surtout vous n'aurez pas de moindre problème. Faites attention à vous. Sachez que, oui, les sbires de Menkav sont un peu partout et qu'il vous faudra prêter l'œil. D'ailleurs, faites-moi un jet de toc. Ouais, faut prêter l'œil, tu sais, on regarde comme ça. Là, au moment où il dit ça, tu vois. Je bouge du point, là, c'est pas possible. J'ai loupé deux points, bon, merde. Non. Oh, je regarde des filles hein, dans la gare. Je mange deux points de chance pour passer en succès. Comme papa. Georges, quand le professeur Smith vous dit ça, toi tu étais là en train de regarder trois jeunes demoiselles qui étaient en train de rigoler et dont l'une te regardait avec des yeux de biche. De ton côté, Barrington, toi tu t'as été distrait, mais très légèrement distrait, par une colonne de militaires qui rentrait de campagne, je pense. Et tu as justement été intrigué par de quel bataillon ils sont. Tu as essayé de regarder si c'était un bataillon que tu connaissais. Malheureusement, non. Enfin, tu le connais, mais ce n'est pas le tien. Ouais. Par contre... Attends, non, mais j'ai dépensé deux points de chance pour tourner en succès, mon truc. Ah, t'as fait deux points de chance. Ah, bah écoute... Bah alors, dans ce cas-là, je n'ai rien. Par ailleurs, ma question, c'est est-ce que je coche? Non, je coche pas. Non. Ok. Non. Non. Quand tu utilises des points de chance ou que tu une relance... Bah donc, tu regardais, tu as reconnu le bataillon, et puis après, tu as tourné le regard, et vous deux, vous remarquez, enfin, vous avez cette impression, c'est pas vous avez vu, mais vous avez une impression très troublante. Oh merde, le train, j'ai oublié. Que des yeux... C'est l'Apocalypse Express, celui-là. Que des yeux pourraient peut-être vous épier. Je sens qu'on est surveillé. Et cette impression est d'autant plus forte pour toi, Wers. Voilà. Mais vous n'avez pas un visuel clair. Il est temps maintenant. Je fermerai la marche, monter dans le wagon, prendre les sièges. Donc, vous montez donc dans le train. Vous avez je ferme la marche, je me retourne souvent pour regarder qui encaisse. Donc, vous rentrez donc dans le train, vous vous posez, et vous savez que vous allez arriver. Aller jusqu'à Douvres. De Douvres, vous prendrez ensuite un ferry qui vous amènera jusqu'à Calais et aux environs de 13h40, vous aurez un train qui vous emmènera de Calais jusqu'à Paris. Et de Paris, vous aurez un train qui vous amènera jusqu'à Chalon-sur-Marne. Je pense que ce voyage va être long, mais il faut toujours qu'on soit vigilant. Mm-hmm. Et je regarde le capitaine là-dessus, tu croises peut-être mon regard, et j'espère que tu es aussi bien armé que quand on est allé avec Smith dans les bas-fonds. J'ai de quoi vous effrayer et tuer un éléphant. Comment on appelle ça? Un truc en Afrique, là. Les savanes, là. Les trucs, oui, la chasse. La chasse au. En Afrique, je pense. Ah, safari, voilà. Safari, ah d'accord. Tu sais, j'étais là et tu me parles de quoi Ouais. Pas du papy brossard, non. Du coup, le voyage se passe plutôt bien. J'ai oublié, parce que c'était dans mes intentions au départ avant le voyage, c'était il y a quelques heures de jeu maintenant. Je m'habille en uniforme avec le truc, le chapeau colonial de l'armée, etc. D'accord, tu t'habilles en truc d'officier. Un officier de d'accord. Ouais. Bah écoute, voilà, vous avez un officier avec vous. J'ai Gassard qui fait des avances rapides sur. Ah, pourtant je touche à rien. Ouais, je sais pas, et lui il me dit ça. Mais c'est comme la dernière fois, ça bug. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est toujours la faute de Gassard. Gassard, je vais mettre la musique. Voyou, chenapan. On va changer de musique, peut-être que. Non, mais. Ça, peut-être que ça fera pas. Musique, t'inquiète. Ok, tu peux. Musique de gare. Non, mais t'inquiète. T'as pas de musique de gare? Non, ah, parce que vous allez changer, vous allez prendre le ferry, donc après je vais pas mettre. Bah après tu mets une musique de bateau. Non, mais après là le voyage, je vais vous l'éviter quand même. Hein. Là vous allez pas reprendre un livre dans le ferry pour lire les aventures de notre équipe. Ah, donc le voyage se passe plutôt bien. Mais vous aurez toujours. Jusqu'à arriver à Chalon-sur-Marne, cette impression d'être regardé, d'être troublante et vraiment oppressante d'être épié. Plusieurs fois pendant le trajet, vous retournerez, vous êtes retourné. Ah. Vous savez, ce truc où tu as l'impression que tu as quelqu'un qui te regarde et que tu te dis. Je sens qu'on me regarde, mais je sais pas d'où, tu vois. Ça s'appelle de la paranoïa à un moment donné. C'est ça, ouais. Limite, ouais, vous avez presque l'impression, mais est-ce que c'est moi qui deviens pas fou? Et le moindre truc rouge dans votre angle de vue, tu vois, attirera votre attention. On est trop, on cherche et puis. Je vois rouge, chef, je vois rouge. C'est quoi? Bon. Alors, on va rester calme, ce n'est qu'une impression. Vous arrivez, donc, pendant que vous faites le voyage Calais-Chalon, parce que bon, il y a un passage à Paris, mais c'est très rapide. Bah, vous mangez, vous avez votre petit dîner. J'ai toujours la mallette sur moi, je la porte, la tiens. Et mon autre main libre sur le holster à la ceinture. Vous remarquez que d'ailleurs le wagon dans lequel vous montez est de belle facture quand même. Un minimum, dans un wagon en bois. Et arrivé à Chalon, ben vous voyez ce fameux Orient Express. Vous arrivez donc vos futurs appartements, des employés qui viennent récupérer vos bagages et qui vont les mettre directement à l'endroit où vous allez d'ailleurs vous séjourner. Voilà. Alors pour vous donner une petite idée, imaginez l'Orient Express. Vous avez une locomotive. Vous avez un fourgon, donc c'est un wagon pour les bagages volumineux, hein. Pas les bagages à main où vous avez vos petites affaires, mais bon, les bagages que vous n'utiliserez pas pendant le séjour. C'est là où on va mettre l'éléphant que j'aurais abattu. Voilà. Un wagon restaurant, les wagons lits, donc là où vous serez, et vous avez une voiture salon et le salon fumeur adjacent. Et ainsi qu'un fourgon qui où vous aurez dedans des choses diverses. Mais là, c'est pas forcément pour les bagages, mais ça peut transporter d'autres choses. Un fourgon, c'est quoi un fourgon? C'est un wagon en fait qui va servir de stockage en gros, mais ce sera pas les bagages des passagers, transporter quelque chose. Par exemple, la nourriture, ça, oui. Voilà, des chaises supplémentaires, des choses comme ça, enfin bref. Un fez rouge de sang. Si tu veux. fez là-dedans, pas con. Alors, pour vous donner une idée, vite fait, du train, comme on est fichu, vous avez à cette époque-là, hein, par rapport à ce que vous allez connaître plus tard avec vos autres personnages, il y avait à cette époque-là, donc dans les années 1890, il y avait moins de wagons-lits. Donc là, il n'y en a que deux. Alors que plus tard... À l'époque où vous serez, donc en 1925, les trains seront beaucoup plus longs. Là, en l'occurrence, il n'y a que deux wagons-lits. À savoir que vous avez 20 passagers par wagon-lit. Et du coup, c'est deux passagers par chambre. Donc, 10 chambres. 10 cabines, si vous voulez. À savoir que le trajet aussi, lui, est différent. Le trajet que vous allez suivre, c'est... vous allez passer par Strasbourg, Stuttgart, Ulm, Munich, Salzbourg, Vienne. Vienne, où vous n'oublierez pas, mais vous êtes censé là-bas rencontrer, puisqu'il va vous rejoindre, le baron von Olfen. Opfen, je ne sais plus son nom parfaitement, enfin bon, bref, voilà. Après, donc Budapest. Le troisième jour, enfin, alors, le premier jour, c'est départ de Paris et Chalon-sur-Marne. Le deuxième jour, vous ferez Strasbourg, Stuttgart, Ulm, Munich, Salzbourg, Vienne, deux fois, et Budapest. Le troisième jour, vous passerez par Belgrade, par Nitsch et Sofia. Et le quatrième jour, vous arriverez à Constantinople. C'est rapide. Je sais pas pourquoi on fait aller-retour. Je sais pas pourquoi on fait un aller-retour Strasbourg-Strasbourg. Hein. Attends, non, mais c'est aussi rapide. Vous pouvez pas Strasbourg-Strasbourg. Si, t'as dit non. Deux fois Strasbourg. Oui, mais parce que je me suis repris en fait. J'avais pas compris moi deux fois Strasbourg. Non, désolé, je me suis repris en fait. C'est le premier jour, vous faites Paris-Chalon-sur-Marne. Donc c'est ce que vous avez fait là. Le deuxième jour, du coup, c'est Strasbourg, Stuttgart, Ulm, Munich, Salzbourg, Vienne, Budapest. Troisième jour, Stuttgart, Nitsch. Hein ? Salzbourg. Salzbourg, putain, d'accord, ok. Voilà, Salzbourg, c'est pas Strasbourg. Ah non, mais tu l'as dit super vite, on aurait dit. Ah oui, parce que j'ai voulu gagner un peu de temps et pas. Voilà. Enfin bon, bref, et le quatrième jour, vous arriverez à Constantinople. Ok. Voilà un peu comment que ça va se passer pour vous, le trajet. Alors, attends, parce que du coup, il faut que je me mette hop sur la bonne page. Tiens, là, j'ai trouvé une image d'une copie cabine. Attends, c'est possible. Vue transversale de haut, c'est cool. Alors, vous voyez que vos cabines sont collées l'une à l'autre. Voilà, maintenant, c'est à vous de savoir comment vous allez vous répartir dans les cabines, qui va avec qui et qui va garder le fez avec lui. Je le garde, c'est ma tâche principale et j'aimerais partager la cabine avec Cassim. D'accord. Donc tu seras avec Cassim. Tu voulais te faire Cassim. Et donc, évidemment, nous avons un duo Professeur Worth George Banks. Le vieux, génial. Ah, tu t'apprendras des choses peut-être. C'est un homme mature, il va t'apprendre des choses. Quand tu t'apprends qui est ta mère. Hein. Ah oui, c'est vrai, en plus, j'avais oublié ça. Vous allez pouvoir vous rapprocher, un père et son fils. Mais on n'est pas. Non, c'est faux ça. C'est une rumeur, moi je sais pas. Regardez-le, il est chétif alors que moi je suis un homme musclé. Non. Oui, mais le pauvre. Regardez-moi, je suis svelte et lui c'est un empoté. Ah là là, un père et son fils. T'es beau. Pourquoi on a toujours des persos qui s'opposent? Tel père, tel fils. Voilà, tel père, tel fils, ouais, exactement. C'est génial. Donc, vous voilà, vous avez donc pris vos quartiers dans vos chambres. Vous voyez que donc les compartiments, voilà, c'est le mot que je cherchais, les compartiments, ont été convertis en chambres. Hein, à coucher. Maintenant, voilà, il est 22h26. Non, il est 23h20. Il est 22h26 parce que nous sommes... ah non, merde, je peux pas dire on est à Londres puisqu'on est en France. Merde, ça ne marche pas. Sinon, ça aurait marché. Si on était à Londres, il eût été 22h20. Mais malheureusement... Donc, malheureusement... Oui. Donc il est, 20, il est quand même 22h26, c'est tout. Voilà. Nah. Non, mais c'est en heure d'hiver, c'est pour ça. Ah, bah oui, voilà. Mais ouais, en plein été. C'est vrai, on est au mois d'octobre. Voyons. En hiver. Du coup, qu'est-ce que vous... Alors, à savoir que, voilà, vous pouvez tout à fait, si vous le désirez, aller faire un tour dans la voiture salon, faire... voilà, peut-être faire le tour des gens, si, peut-être voir qui va partager le voyage avec vous. J'inspecte au moindre, dans les moindres détails ma cabine. D'accord, bah écoute, tu jettes un œil, ça va te prendre une petite dizaine de minutes parce que tu regardes un peu à droite à gauche. C'est une cabine tout à fait... Je regarde dessus, dessous, en dessous, par-dessus, par-dessous, re-repelote. Et ben écoute, après un minutieux... Pour trouver une cachette susceptible de pouvoir la planquer momentanément en cas d'urgence, le truc. Et j'ai une question pour toi, MJ. Est-ce que la mallette peut rentrer dans une... Est-ce que le fez, bien emballé comme il est, peut rentrer dans une petite mallette personnelle, que genre sacoche de documents ou un truc comme ça? Non. Non, parce que le... Tu peux pas... Il est dans une boîte super bien ficelée, parce qu'en fait... comment? On peut pas l'aplatir, je veux dire, il est pas... On peut pas... Tu pourrais l'aplatir, mais ça supposerait de le sortir de sa boîte, et comme tu sais que... Il est... Quand tu l'as à proximité et que tu le touches... C'est pas GG, quoi, tu vois. Donc là, il a fait en sorte d'amoindrir en fait les effets nauséeux du fez en faisant ce qu'il a fait. Mais tu sens que si tu le gardes proche de toi un certain temps, tu as des petites remontées, tu vois. Gastriques. Alors des petits burps, tu vois, des petites remontées dégueulasses. Mon précieux. Voilà. Mon donc. Mais oui, en inspectant le compartiment, effectivement, tu pourrais trouver un endroit susceptible de mettre un petit peu, enfin, caché, pas forcément de façon impossible à retrouver, mais bon, disons un peu caché à la vue des gens, la sacoche, quoi. Mais en tout cas, rien de suspect dans votre compartiment, ça c'est une certitude. Ah non, mais c'était surtout pour la cachette. Bah voilà, tu peux, à l'occasion, si vraiment là t'as besoin de sortir sans la... Tu pourrais trouver un endroit susceptible. Un petit attaque d'urgence dans la cabine d'à côté, des trucs comme ça, tu vois. Pencher au pire. Du coup, voilà. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez d'aller à la rencontre peut-être des gens qui pourraient être. Enfin, que vous allez côtoyer pendant 4 jours, puisque forcément. On va aller se mélanger à la haute. Exactement, oui. Faire des bassesses de bienvenue et de torchage de pompe. Alors, moi, je les ai pas attendus. Hein. J'ai posé mon frère. C'est vraiment ça, je te vois arriver et tu dis bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai pas déballé mes affaires, j'ai juste posé ma mallette sur mon lit et je suis allé directement dans le wagon bar. Alors vous, il se passe un peu, puis le temps que vous fassiez ça, le train part. Tout. Une nuit un peu pluvieuse. Fait pas très beau ce soir. Oh, enfin, j'adore le son de la pluie. J'adore ça. Ah, ça me calme, ça m'apaise le son de la pluie. Ah, j'adore l'ASMR en plus. Ah, voilà. Mais je vais mettre le foot. Il y a beaucoup de gens et je suis comme toi, le son de la grêle et de la pluie, ça me détend beaucoup. Vous voilà donc parti. L'Orient Express, votre voyage commence. Que faites-vous? Après être c'est bien mélangé, on est parti le matin, ça doit être l'heure du déjeuner. Ah non, mais attends, là c'est la nuit, le train vient de partir. C'est la nuit. C'est la nuit, il était 22h26. Ah oui, Il s'est déjà endormi en fait. Ah. Donc le train vient de partir, vous avez rangé vos affaires. Que faites-vous? Je me sers dans le frigo bar du wagon ou quoi. Il y a une voiture salon. Histoire d'être dans la chambre tranquille, hein, pas de. Ou alors je me fais livrer un truc à boire. Puis voilà. D'accord, et vous deux? T'es où toi? Moi je suis dans le wagon salon. J'essaie de trouver des camarades pour jouer aux cartes, ce genre de choses. Alors quand vous arrivez dans la voiture salon, tu vois que déjà de base, Kassim, lui, il est vraiment fatigué. Et il dit, moi sur ce, mes amis, je vais me coucher. Je ne pourrai vous accompagner là, je serai plus de... Demain, on a beaucoup travaillé avec le professeur Smith. Donc... Ouais, voilà. Il va se coucher. Vous arrivez donc dans la voiture salon. Barrington, lui aussi, fait un peu son truc tout seul. Et il a décidé de ne pas se mélanger ce soir. Qu'il préférait plus boire un coup dans sa cabine, dans son compartiment... tranquille tout seul. Je vais faire des beaux rêves, alors je lis un roman que déjà entamé. Enfin non, il est même pas tranquille tout seul, puisqu'il y a Kassim qui lui aussi se... Donc ils sont tous les deux dans le compartiment. Kassim qui se repose, et lui qui... voilà, il... Je suis sur la banquette en train de lire. Voilà. Vous arrivez donc dans la voiture salon. Là, vous voyez que bah, y a des gens. vous reconnaissez comme ça, à première vue... des hommes qui ont l'air d'être typés russes, du moins au niveau vestimentaire et dans physiquement. D'ailleurs, de la façon dont dans la façon dont vous entendez des mots de façon assez rapide, vous croyez entendre du russe. Mais vous avez l'air de voir qu'une de ces personnes a l'air d'être très très bien habillée, limite presque d'être comme un, enfin, habillé comme un tel un noble, genre un peu très très noble, enfin, voilà. Vous voyez une femme. Qui fait un peu en avance, qui est un peu en avance sur son temps, je dirais même beaucoup en avance sur son temps, puisque pour vous, et ça vous choque un peu tous les deux, elle arbore une tenue plutôt masculine. Un pantalon, quoi. Une américaine. Ouais. Un peu... suffragette, tu vois, un peu femme même en ce temps là les américains n'ont pas de pantalon, hein, même en ce temps là les américains ne portaient pas de pantalon. Oui, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis très en avance sur son temps. C'est que voilà, c'est une femme indépendante quasiment, tu vois, tu dis mais... Donc tu vois que cette femme est en train d'écrire dans un journal, dans un coin. Ah. Puis après, il y a une autre personne qui a l'air de... comment dire... assez... comment dire... surprenante. Comment dire ça, il arbore une tenue assez comment dire extravagante, très comment vous dire ça, c'est quelqu'un que tu peux pas louper en gros, avec une espèce de robe, il a la moustache. Il fait un peu typé oriental. Non, c'est le seul qui... Njelaba et tout ça. Ouais. Enfin, c'est pas Njelaba, mais c'est une espèce de... C'est quelque chose d'assez atypique, quoi. Tu sais que c'est pas le genre de vêtements qu'on va retrouver en Europe. C'est pas ça, quoi. Okay. Et cet homme est accompagné d'un Européen quelconque. franchement, le gars, c'est monsieur tout le monde. Et tous les deux sont en train de discuter. Vous allez me faire tous les deux un jet de toc, s'il vous plaît. Je vais essayer de toquer bien. Ah, j'ai bien toqué, hein. Ouais, j'ai toqué à côté, mais c'est bon. Vous êtes en train de regarder les gens, et puis tous les deux, quasiment simultanément, c'est ça qui est assez incroyable, vous avez l'impression que le gars, en fait, qui était quelconque, là, qui... c'est un gars que vous vous rendez compte maintenant qu'il a fait tout le trajet avec vous depuis Londres. Londres. Qui se retrouve dans le même train que vous. Et que, aussi incroyable que cela puisse paraître, après divers regards, vous avez l'impression qu'il vous regarde en fait. De façon assez... c'est furtive. Et à un moment donné, vous captez que cet homme-là parle à l'autre et que l'autre homme vous regarde en coin, mais avec insistance. Voilà. Je vous demande de vous arrêter. De me regarder. Est-ce que tu les connais, George ? Alors là, non. Quasi sûr de les avoir jamais vus. J'ai l'impression qu'ils ont l'air de te connaître, eux. Pourquoi moi ? Pourquoi ce serait pas toi ? Un de tes anciens élèves ? Vu ces personnes, ça m'étonnerait que ce soient mes élèves. Mais ça peut être tes clients. Tes clients ? Mes clients, je m'en rappelle. Et ça, c'est pas mes clients. Des pigeons. Vous remarquez que derrière cet homme, derrière l'homme assez atypique, assez bizarre en fait, vous remarquez un autre homme. Et cet homme, c'est un monstre. C'est une armoire à glace. Un mec immense. Un pété de muscles. Un genre de The Rock, tu vois, mais en gros qui aurait une cinquantaine d'années, tu vois. Il avait et que le gars, il est impassible, un regard, mais genre, il te tue d'un simple regard, tu vois, et il bouge pas d'un millimètre, et il est juste derrière et il bouge pas. Ah, il a typiquement c'est son garde du corps. Du coup, peut-être une. Je vais me lever et je vais me diriger vers mes cabines. Et tu regardes s'ils me suivent ou s'ils restent normal. D'accord. Et tu me suivras quelques temps après. Ah non, moi j'ai envie de rester. Reste pas trop tard là. Oui, papa. Bah, je me lève et je me dirige vers la cabine. Bah. Quand tu te lèves, tu commences à passer devant eux, tu commences à te diriger vers le couloir qui t'emmène dans les compartiments. Et tu remarques, toi, George, que le gars, en fait, assez atypique, suit du regard... ton ami Worth partir. Tu vois en même temps, après au bout d'un instant, un gars du train qui arrive vers vous, fait oui, vous désiriez-vous boire quelque chose en sachant que ici tout est compris. Hein. Tu n'as rien à payer. Hein. Tu bois, tu manges, tout est compris dans le ticket. Alors... C'est un all inclusive, tu vois. Tout, allez, tout fais péter, tournée générale. Okay, est-ce que. Oui, d'ailleurs, Non, mais il t'offre du champagne et tout. Hein. D'ailleurs, pour toi, George, ce que tu vis là, c'est un truc de malade. C'est du jamais vu. C'est pour ça que je voulais rester en vrai. Tout à l'heure, je suis maladie. Parce que... Et d'ailleurs, pour l'occasion, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que pour que tu sois pas en désaccord vestimentaire avec la plupart des gens, le professeur Smith t'avait fait déposer le soir avant ton départ un costume, enfin même deux costumes pour le voyage, pour pas que tu attires trop l'œil de quelqu'un. Donc tu es là en ce moment habillé de façon plutôt bourgeoise, si je puis dire. Ouais, tu n'es pas une colo sinon. Tu ne dénotes pas des autres personnes, tu es très bien habillé. Donc la personne vient, le gars vient se dire, oui, bonjour, bonsoir monsieur, vous désireriez-vous boire quelque chose? Tout à fait. Moi donc, un verre de scotch, je vous prie. Bien sûr. Donc, tu vois, il vient, hop, il tient. Voilà. Avez-vous fait bon voyage jusqu'au Saint-Plan? Mouvementé là depuis Londres. Il y a eu un meurtre et ils cherchaient des Turcs qui auraient été susceptibles d'avoir commandité ce dernier. Horrible. Ah oui, j'imagine. C'est. Écoutez, sachez que sur l'Orient Express, nous serons au petit soin pour vous. Vous n'hésitez pas à demander quoi que ce soit. Nous serons très heureux de nous occuper de vos moindres désirs. Parfait, je suis content de l'entendre. Ah ben, c'est... Excusez-moi, mes semblables qui prennent le train actuellement... qui sont-ils, là, ces hommes-là, habillés très richement, très richement. Bon, venez. Bien, écoute, tu vises lesquels? Est-ce que tu montres du doigt des personnes noble, en particulier? Le noble, je parle du noble russe. Alors, attends, tu veux te dire qui c'est, noble russe, parce que là, je l'ai pas devant. Puisque j'étais en train de chercher, j'ai juste avant. Alors, oui, cette personne est le comte Rudolf Razumovski. C'est un noble russe. Et la comtesse, sa femme, Irina Razumovski, n'est pas présente. Elle est dans sa cabine, je pense, en train de se détendre après le voyage. J'imagine que... voilà. D'ailleurs, vous avez son homme de main à côté, Peter Trubowski. Tu vois que c'est un homme. Alors, il est pas costaud comme le gars que t'as vu derrière le mec qui vous épie. Mais, même s'il est plus secos, plus fin, de visage, tu dis ce gars-là, faut pas l'emmerder. Ok, d'accord. Et tu vois qu'il arbore un tatouage sur le bras. C'est un ours. Sur le doigt ? Sur le bras, l'avant-bras. Ah, sur le bras. Ouais. Ah, l'avant-bras. Un tatouage d'ours, ouais. Tu devines ça, en fait. Mais tu ne sais pas forcément ce que c'est, mais tu sens que voilà, c'est limite peut-être quelqu'un qu'il faut pas aller embêter, quoi. Et oui. Ce drôle d'homme, là, avec son accoutrement un peu... extravagant, un peu exotique. Ah, oui. Il me semble qu'il se nomme Hieronymus Menkaf. C'est ça, Hieronymus Menkaf. D'accord. Oui, c'est une personne, un Britannique, qui est en voyage. Il vient des colonies alors. Ah, je ne sais pas, moi je vous dis ça parce que nous avons le registre des passagers et que nous devons de connaître les gens que nous allons devoir nous occuper. D'ailleurs, il me semble que vous devriez être George Banks, c'est ça? Tout à fait. Oui, voilà. Là, et vos amis, je pense que vous étiez à l'instant avec le professeur Worth. Et que vos amis, le capitaine Barrington et le professeur Kassim Polat, sont probablement dans leur cabine. tout à fait. Vous les connaissez presque mieux que moi, on dirait. Mais écoutez, vous êtes sur l'Orient Express. Nous nous devons de faire un service d'excellence. Je n'en attendais pas moins de vous, en tout cas. Bien, en tout cas, je vous souhaite une agréable soirée. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà. Sachez que demain matin, vous aurez... à partir de 7h, le petit déjeuner qui sera en plusieurs services, puisque nous ne pouvons pas servir tout le monde en même temps. Oui. Et que, bah, après, vous pouvez vaquer à vos. Si vous avez besoin de n'importe quoi, n'hésitez pas à nous faire votre demande. Je n'hésiterai pas alors. Je retourne m'asseoir, je sors un paquet de cartes, je regarde s'il y a des gens qui viennent jouer avec moi. Et puis voilà. Non, tu vois que les gens restent un petit peu chacun de leur côté. Tu vois que toujours, donc le fameux Hieronymus Menkaf est en train de discuter avec cette personne qui a l'air des plus quelconques. Que de temps en temps, ils ont un petit regard vers toi maintenant. Et voilà. Bon ben, je retourne dans ma cabine et je les salue en passant à côté de... bonne soirée, messieurs. Ils te font un salut de la tête. Et voilà. Dans la cabine. Bon, te voilà dans la cabine. Donc, tu vas dans quelle cabine ? Celle du professeur avec la tienne ou tu vas voir les deux autres ? La mienne. Bon, bah, tu arrives donc. Tu vois donc George Banks arriver dans la cabine. Monsieur Professeur Worth. Worth. Donc, tac, je vais te dire que apparemment on n'est pas seul dans le train. Il y a l'air d'avoir des personnes qui nous observent. Ah, ça m'étonne pas. Pardon ? Ça m'étonne pas, moi aussi j'ai ressenti ce même regard sur nous. Après, il faut savoir que rien que le personnel de l'Orient Express t'observe. Je pensais que je suis allé voir le capitaine, moi. Hein ? Non, c'est pas ça. Non, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler à George Banks, là. Oui, mais moi, je suis parti. Oui, toi, t'es parti... Ah oui, alors toi, t'étais parti voir le... D'accord, alors attends. Ah oui, je suis allé voir le capitaine pour lui prévenir que... D'accord, alors ça, moi, je l'ai pas compris comme ça, donc... Ok, on va faire en sorte que je vais. Alors toi, pendant que tu es en train de discuter avec George Banks, pendant que tu es en train de discuter avec le l'employé du machin là de la wagon, je vais faire la discussion entre les deux. J'avais pas compris ça en fait. Au début, je pensais que tu disais juste que tu partais dans ta cabine et j'avais pas compris que t'allais discuter en fait avec Harrington. Autant pour moi. J'allais vraiment partir, donc c'est pour ça. D'accord. Bah écoute, tu arrives voir Warrington, Worth, et vous. Ah. Bah ouais, mais j'ouvre. Capitaine, il faut qu'on parle 2 secondes. Et je regarde dans le couloir si quelqu'un me suivait. Personne te suit. Prêt ? Donc je rentre, je ferme la porte, hein. Je te dis que quand on s'est installé dans le salon avec George, des personnes m'observaient et ne me quittaient pas du regard. Ah. Vous voulez faire la bataille du regard ? Non. Je pense qu'ils sont là pour des bonnes raisons, mais je ne sais pas. Je pense que la raison est encore inconnue. Je pense pas qu'ils font partie du groupe du Kef. Je pense que c'est quelqu'un d'autre, mais bon. Encore que je peux me tromper, hein, ça, on est d'accord. Mais peut-être verrouillez bien votre porte ce soir. Ah, mais toujours. Avec ce que j'ai sur moi, je suis extrêmement prudent. Sauf là où je vous ai ouvert la porte sans regarder. De toute façon, nous sommes juste à côté. D'accord, ouais. Je taperai par-dessus mon matelas, mon lit, ma banquette de couchage. Au cas où. Je vous souhaite une bonne nuit, capitaine. Merci pour cette information précieuse. Je me renseignerai plus tard dans la journée. Demain. Il faudra se renseigner, oui. Si des membres du KEF, je sais pas si comment ils sont appelés, leur groupuscule. Non, mais les membres au kef, là. Les... Non, c'est fez. Les fez. Je m'interrogeais, je voulais pas le contredire, je m'interrogeais. Non, parce que j'étais au kefier, putain, non, c'est le fez. C'est fez. Ouais, le kefier, c'est le truc de hipster, excusez-moi. Ouais. C'est le truc. Ouais, bref. Le fez, donc. Fez. C'est quoi la question, hein. Ils sont présents dans le Land Express, il faudra se méfier d'autant plus. Et ne jamais laisser le fez rouge sans seul. Et ça, je chuchote, hein. Ouais. Non, là, je suis en train de dire à machin. Non. Non, c'est... Garde. Mais garde ton casque. Il y avait un bruit chez moi. Ah, d'accord, c'est pas. Du coup, Georges, quand tu... Là, tu retournais dans ta cabine, tu t'aperçois que la cabine est vide. Donc, je suis pas de base, tu vas essayer de taper à côté. Ouais. Voilà. Et du coup, au même moment, quand tu t'apprêtais, toi, justement... Wers a quitté la cabine. Quelqu'un frappe à la cabine. Ah ben j'ouvre direct, moi j'en fiche. Ah non, bah alors, il ouvre direct, la porte s'ouvre direct. Ah, vous êtes là. Là ils sont à fond là. Ah, on est à fond. T'as ouvert quelle porte là, celle où je suis dedans ou avec le capitaine? En fait, il est déjà allé dans la première cabine, il a vu qu'il y avait personne. Donc là, il vient d'ouvrir celle où vous êtes dedans. Et la porte s'est ouverte juste dans ton dos, comme ça d'un coup. D'accord, j'ai compris ça, mais j'avais pas compris qu'il y avait le capitaine avec nous. Là, oui, t'étais pas donc, sorti. Tu me fais pas peur, sorti, tu m'as fait peur, Georges. Vous avez fait peur aussi, hein. Vous avez dit que vous alliez être dans la cabine. Mais vous toquez jamais avant d'entrer. C'est bon. On a des associés, hein. Pas besoin que je le frappe. Qui vous a fait votre éducation? Personne. Ça m'a abandonné. Ma mère aussi. Personne, putain. Donc qu'est-ce que vous avez à nous dire? Des informations sur les personnes qui sont dans ce train. La personne type orientale qui nous surveillait, c'était un Britannique, d'après ce que j'ai compris. Hieronymus Menka. Et tandis que l'homme très riche habillé. J'ai pas bien prononcé le truc. Si, non, mais je viens de dire à peine juste Hieronymus Menka. Mais tout le monde est là. Ouais, d'accord. J'ai énormément percuté, j'étais pas dans la discussion, j'avais pas le droit de dire quoi que ce soit là. Mais si, mais tu es dans la discussion, là il est en train de parler à vous tous quoi. Ah pardon. Ah mais oui. Je pensais que c'était dû à des... Bah moi je dis rien, je sais pas si c'est un mot normal, Hieronymus Menkaf. Menkaf, mais si, c'est l'autre machin, de toute façon c'est un criminel, voilà. C'est un peu le gars qui est le qui chef des fesses, quoi. Nous en veut un peu beaucoup. Oui, voilà, il nous en veut un peu beaucoup. Et c'est lui qui nous suit. Non mais j'aime bien aussi. Ouais, Hieronymus Menkaf. Bon. Oh ouais, ok, d'accord. En plus, j'étais à Mehmet Matriat, moi, tu vois. Non, mais ça c'est un autre, ça, c'est pas le maître. Oui, c'est un autre, c'est pas le maître. Tu sais que j'ai trompé de train, je crois. Non, c'est génial, n'empêche que ça, c'est vraiment Osef, tu vois. Ouais, ça peut, je crois. Il a ouvert la porte tout grand, sans regarder à quoi. Mais je savais pas que j'étais moi parti avec lui, aller dans sa cabine. Non, en fait, ce qui s'est passé. Non, c'est que. Dans ta cabine. C'est lui qui allait dans ta cabine. Avec qui allait vous rejoindre dans votre cabine. Et du coup, vous avez discuté. Le temps que vous discutiez, Georges, lui, est allé dans sa cabine pensant voir justement le professeur. Le professeur n'étant pas là, il est entré dans votre cabine. Oh bordel, mais comment je n'écoute pas en fait? Voilà. Donc, voilà. Là, vous êtes tous dans la cabine de Barrington et Cassim en train de discuter. Okay. De ceci, et donc là, Georges vous annonce qu'effectivement, il y a un Hieronymus Menkaf dans le train. Oh, merde. Bon, bah, on va pas dormir très, très bien. Et la personne de richement habillée qui était de l'autre côté du wagon salon, c'est un certain comte Rudolf Razumovski. Je ne connais pas Dorazinovski. Accompagné, je suis sûr, de son épouse et de quelques gardes du corps ou quoi, ses enfants peut-être. Son épouse, oui, et avec la comtesse Irina Razumovski, qui n'est pas présente. Et il y avait pas commode. L'armoire. Et l'armoire, il t'a pas dit comment il s'appelait. L'armoire n'est pas commode. Et par contre, il y avait avec lui, en gros, avec le comte, il y avait une personne qui s'appelle Peter Trubowski, qui est accessoirement l'homme à tout faire et le garde du corps du comte et de la comtesse, qui lui un mec, même s'il est moins costaud que le gros balèze de Menkaf, quelqu'un, en gros, quand tu le regardes, t'as pas envie d'avoir affaire à lui parce qu'il il a l'air d'être un peu un ouf de ouf, tu vois. Le mec pas commode, voilà. Oh la blague! Oh elle est nulle, elle est à chier! Voilà, vous savez tout. Ouais. Là, c'est une heure où je suis fatigué, mec. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Vous avez. Vous êtes arrivé jusque dans le train, vous êtes parti. Ouais, on est aussi vivant, hein. Maintenant, vous savez que vous êtes dans le même train que Menkaf. Que Menkaf, j'allais dire Mehmet encore. Menkaf. Donc, oubliez Mehmet. Mehmet Makriyat n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe. Du moins, en tout cas. C'est ce qui est prévu. Là, celui qui compte, c'est Menkaf. Et Menkaf, il est là. Hieronymus Menkaf. Et d'ailleurs, vous avez quand même beaucoup l'impression, du moins, toi, Worth, et toi, George, que, de par les regards qu'il a fait, il sait que vous êtes là aussi. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je vais, si vous le permettez, envoyer le jingle de fin. Et après, on se reprendra un tout petit peu pour dire bonsoir aux gens qui ont regardé. Bonsoir, voilà. Gente peu de voyeurs. Alors attention, ne bougez pas. Je m'occupe de ça. Voilà, on va récupérer ça. C'est parti.